Alors c'est parti, c'est le début d'un temps nouveau et je salue tout de suite d'entrée mon partenaire de travail, Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Ken, ça va bien? Ça va très bien, content d'être avec toi. Peut-être que certains ont eu la chance d'écouter une autre émission de radio ailleurs il y a quelques mois sur un autre site. Eh bien, malheureusement, mais cette aventure-là s'est terminée et là, on est dans une nouvelle relation avec Frédéric, l'homme nouvelle Garcia et on va avoir beaucoup de plaisir. Mais je veux quand même saluer mes anciens partenaires avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir, qui étaient tous très gentils et des vrais fanatiques également de ce sport-là. Je suis sûr qu'ils nous écoutent en ce moment. Alors, salut à Marco et à Marie-Julie, et même à Pamela, qui j'aurais cru qu'elle aurait pu me suivre, parce que j'ai toujours senti une espèce de tension sexuelle entre nous deux, mais malheureusement, c'est un divorce. Alors, là-dessus, je suis avec Frédéric Garcia pour vous parler du plus beau sport, je pense, qu'il existe en ce moment. On a réuni tous les sports de combat et on n'en a fait qu'un seul et ça nous donne le Mixed Martial Arts. Et je pense que Frédéric, tout comme moi, on pense avoir beaucoup de plaisir à parler de ce sport-là. Hein? Oui, exactement. C'est une passion pour moi. Je peux parler de MMA avec n'importe qui, n'importe quel moment de la journée, je peux y penser. Alors, ça risque d'être assez naturel. Oui, puis d'ailleurs, je connais pas vraiment Frédéric. Je l'ai contacté il y a quoi une semaine et là tout ça est allé très vite et on s'est parlé un peu hier. On a fait un petit bout d'essai, un petit 15 minutes qui s'est transformé rapidement en, je pense, plus de 30 minutes. En tout cas, ça s'est rallongé et on a eu beaucoup de plaisir. Et je pense que on va être là pour un bon petit moment avec vous, puis j'espère que vous allez apprécier ce moment-là. Et on vous invite également à donner vos opinions à propos de cette émission-là. On a un titre en tête pour l'instant qui serait La Voix des Guerriers, mais c'est pas encore fixé. On est vraiment en camp d'entraînement. On veut pas nécessairement forcer les choses. On veut placer les choses tranquillement et solidifier notre chimie et atteindre les plus hauts sommets le plus rapidement possible. Alors, si vous avez peut-être des suggestions de noms pour notre émission, pour l'instant, on y va avec La Voix des Guerriers, c'est ce qu'on a en tête. Mais si vous avez d'autres noms, peut-être un meilleur, vous pensez que celui-là, mais peut-être faire parvenir vos idées. Puis, je pense, peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Frédéric, mais peut-être début octobre, on fixera les choses. Oui, c'est une très bonne décision. Ça, on veut que les amateurs y participent à notre émission. De semaine en semaine, ça risque de s'améliorer avec de plus en plus de contenu pour intéresser nos fans. Puis, moi, je suis très content de t'accueillir sur MMA Nouvelle et c'est le début d'une nouvelle ère. C'est bien gentil, Frédéric. Puis s'il y a des gens qui n'aiment pas l'émission, ben, je vous invite à faire parvenir ça à Frédéric. Et puis pour ceux qui aiment ça, bien adressez ça à moi. Ça va aller bien comme ça. Hey, Frédéric, on commence en force parce que les sujets, là, il y en a tout plein pour notre première émission. Alors, il va-tu quoi qu'on va vous parler de quelques cartes qui vont se dérouler d'ici ce samedi prochain. Alors évidemment, dans cette émission aussi, on va commencer par le UFC Fight Night 19, qui sera le 16 septembre. Par la suite, on va enchaîner tout de suite avec le UFC, la télé-réalité The Ultimate Fighter, qui commence exactement la même journée. Ben, en fait, ça a déjà été tourné tout ça, mais on présente ça là à partir de ce mercredi. Je pense que Frédéric est beaucoup plus habile à parler de ça. Tantôt, on va en parler en profondeur. Je pense qu'il connaît un peu plus cette émission-là que moi. D'ailleurs, pour savoir les nouvelles à propos du UFC et des grosses organisations, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux que l'homme nouvelle, Frédéric Garcia. Pour ceux qui suivent MMA Nouvelles, toutes les nouvelles internationales quand même, il est assez sacoche. Alors, on va parler de ça. Puis ensuite, évidemment, on va faire le tour des rumeurs. Il y a toujours des rumeurs. Puis la plupart se confirment assez rapidement. On va faire un petit tour avec ça. Encore une fois, Fred est là pour nous donner tous les potins à propos du UFC et d'autres organisations majeures. Il y a le UFC 103 qui arrive à grands pas. Là, en ce moment, on vous parle, là, puis nous sommes le lundi soir. Il est 20h et quelques poussières. Et Frédéric et moi, on vient tout juste de regarder le UFC Countdown sur Spike TV. Alors, on est encore plus excité pour vous parler de ce UFC 103-là. Il y aura le Ringside qui va suivre l'organisation québécoise qui va avoir lieu exactement la même journée, soit le 19 septembre. D'autres nouvelles, d'autres rumeurs, tout ça dans cette émission-ci. Et il y a tellement de sujets qu'on va commencer assez rapidement. Alors Frédéric, tu es d'accord pour qu'on commence avec le UFC Fight Night? Oui, ça commence mercredi soir. à 8h sur Spike TV avec UFC Fight Night. On a quelques combats avec un peu d'intérêt, je dirais. Rien de très, très majeur, mais ça devrait être une bonne soirée. Oui, et on commence avec le combat principal avec Nate Diaz qui affronte Melvin Gaillard. C'est un combat dans la catégorie des 155 livres. Je vous donne la fiche des deux combattants. Nate Diaz, lui, a 10 victoires pour 4 défaites, alors que Melvin Gaillard a une fiche de 22, 7 et 2. Et ça, c'est des fiches que toutes les fiches que je vais vous donner dans cette émission-ci, puis dans les émissions qui vont suivre, ce sont toujours les fiches que j'ai trouvées sur Sharkdog, juste pour être sûr, là, parce que c'est sûr qu'ailleurs, vous pouvez trouver des fiches un peu différentes. D'ailleurs, Melvin Gaillard, j'avais trouvé sur le site du UFC, on donnait une fiche de 41, 8 et 3. Alors, ça peut être assez différent dans certaines circonstances. Alors, je vous avise que tous les fiches que je vais vous donner, ce sera les fiches que j'ai, que je suis allé chercher sur Sharkdog. Alors, Gaillard Diaz, Fred, qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Moi, pour ceux qui me lisent depuis un certain temps, ils savent que je suis un grand fan des frères Diaz et de toute l'équipe de Caesar Gracie. D'un point de vue MMA, j'aime beaucoup les spécialistes de Jiu-Jitsu, puis l'équipe de Caesar Gracie, ça fait partie de l'élite. Nate Diaz, je l'aime beaucoup, vu qu'il fait partie de cette équipe. Mais le dernier combat contre Joe Stevenson, il m'a pas beaucoup impressionné. J'ai vu, il m'a paru faible, un manque de force physique. Et je pense que si on regarde des gars comme Gaillard, Maynard, si on regarde l'élite, surtout à 155 livres, les bons lutteurs, les Maynard ou Diego Sanchez, je vois que Nate Diaz, il va avoir de la misère avec eux. Oui, il est un peu frêle, Nate Diaz, tout comme un peu son frère Nick Diaz, sauf que Nick, je pense, son plus grand frère, là, une meilleure boxe, puis peut-être bouge un peu mieux dans l'octogone, parce que, bon, il y a une maturité physique, mais aussi, il y a une maturité dans le combat, plus d'expérience, bouge peut-être mieux, peut éviter les amener au sol, malgré que je pense que Nick Diaz, là, il fait très bien dans l'organisation Strike Force. Mais ramenons-le dans le UFC, dans des adversaires de haut calibre à 170 livres et 185 livres, ce serait peut-être plus difficile contre des experts en lutte comme Georges St-Pierre et toutes les autres que vous connaissez, les Josh Koscheck et tout ça. Peut-être que Nick Diaz aurait un peu plus de difficultés, mais lorsque ce sont des adversaires qui essayent de le défier debout comme Scott Smith a tenté de faire, bien là, Nick et domine complètement. Alors Nick Diaz, c'est pas la même botte que son frère. Au sol quand même, il est excellent. Comme Fred nous avise, là, il s'entraîne avec Cesar Gracie, tout comme son frère. Jake Shields également, qui est une machine également au sol. Gilbert Melendez également, qui vient de remporter le titre intérimaire dans l'organisation Strike Force. Et c'est une équipe qui a beaucoup de succès récemment. Melendez, je vais vous le dire. Shields également domine dans sa catégorie, puis même ose monter de catégorie à l'occasion. Et là, face à Melvin Gaillard, moi, j'y vais tout de suite avec ma prédiction. On va pas perdre de temps là-dessus. Je pense que Nate Diaz va remporter le combat avec assez d'aisance. Melvin Gaillard a été soumis déjà à 6 reprises, je pense, tout au long de sa carrière. Oui, effectivement, sur 7 défaites, il a été soumis à 6 reprises. Je pense que ça peut être une proie assez facile pour Nate Diaz à partir du deuxième engagement, alors que Gaillard aura peut-être remporté le premier round, mais après ça, Nate Diaz va prendre les choses en main. Oui, je suis complètement en accord avec toi. Je vois que Nate Diaz devrait l'emporter. Il y a toujours la possibilité d'un KO, parce que Gaillard est un combattant agressif avec un bon stand-up. Mais moindrement que le combat va durer un peu de temps, Nate Diaz devrait être capable d'imposer son rythme. Effectivement, un TKO puis un KO, ça peut arriver n'importe quand. Par contre, on doit dire que Diaz n'a jamais été mis à 4 défaites en carrière, mais 3 par décision, une fois par soumission. Nick Diaz aussi, de mémoire, je pense pas qu'il ait été mis KO souvent. Là, c'est un combattant, d'habitude, les frères Diaz, assez solides, qui ont pas peur d'échanger, reçoivent beaucoup de coups, puis c'est des gars qui ont beaucoup de cœur. Fred les apprécie. C'est un peu des bad boys, par contre. Ils ont des faces affaissées dedans, mais de grands talents. C'est alors, des incompris, pas des bad boys. Ben, je dois dire, par contre, Nate Diaz, lui, aura besoin de cette victoire-là parce qu'il est sur une séquence de 2 défaites consécutives. Joe Stevenson, Fred l'a mentionné, puis précédant ça, un combat face à Clay Guida. Bon, très chaudement disputé, là. Guida l'avait remporté par décision partagée, mais je pense que ça aurait pu aller d'un bord et de l'autre. Alors que Gaillard, lui, est sur 3 victoires consécutives. mais rien de convaincant quand même. C'est pas des gros noms dans la catégorie des 155 livres du UFC. Bon, que ce soit Gleison Thibault et Dennis Sever, il y a rien là. Et puis, bon, la première victoire de cette séquence-là, c'était face à un gars qui s'appelle Eric Reagan, et c'était dans l'organisation Rage in the Cage. Alors, par la suite, le deuxième combat de la soirée. On va mettre un peu d'emphase sur ces combats-là, mais après ça, on va aller un peu plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de combats nécessairement qui sont pas nécessairement très excitants. Alors, le deuxième combat de la soirée, c'est Graham Maynard de l'équipe Extreme Couture qui affrontera Roger Huerta, qui sera là pour revenir peut-être sur le sentier de la victoire, puisque son dernier combat avait été défait par Kenny Florian. Alors, Maynard, Huerta, Fred, comment ça se déroule ce combat-là? Tu vois, justement, aujourd'hui, il y a eu quelques articles sur Roger Huerta et on s'en est parlé hier un peu, toi puis moi. Moi, j'ai des doutes sur son esprit mental en ce moment. Je ne sais pas s'il est prêt pour être un combattant. On dirait qu'il a la tête ailleurs. Pas on dirait, il l'a affirmé en entrevue avec l'UFC. Si on voit, si vous allez sur le site de l'UFC, il y a une entrevue et il dit qu'il se prépare déjà pour sa carrière d'acteur. Alors, j'ai un peu peur qu'on risque de voir peut-être un Roger Huerta pas mentalement prêt, et pour moi, c'est dangereux dans le sport du MMA. Oui, alors peut-être comme dans un film d'action, il va se faire éliminer assez rapidement et Graham Maynard aura le haut de l'affiche et remportera une huitième victoire. Maynard a déjà cette victoire, évidemment, presque tous acquises par décision. En plus de ça, il a également une victoire par KO, mais sinon cinq par décision et une autre victoire dont je ne sais pas comment ça s'est déroulé. C'est pas par décision, c'est probablement par une disqualification ou autre chose. Là, je pense que c'était un double knockout. Je me Oui, souviens. un double knockout, t'as raison. Je me rappelle plus contre qui, mais ça me dit quelque chose. Rob Emerson, c'est ça. Oh, la mémoire incroyable. Non, Alors, Wikipédia. c'est encore mieux. Alors, Graham Maynard de l'Extrême Couture, un excellent lutteur également. Il fait partie de la relève, je dirais, à 155 livres. Il y a tellement de noms à 155 livres. Mais moi, le problème à 155 livres dans le UFC, c'est qu'ils sont tous à peu près identiques. Il n'y en a pas un qui ressort du lot. Ça, c'est mon avis bien personnel. Oui, je suis bien d'accord sur ça. Oh, fabuleux. Carlos Condit face à Jake Ellenberger. Carlos Condit, qui a été champion de la WEC, et là, il s'en vient dans le UFC. Son premier combat, il a été défait par décision partagée face à Martin Capman. Et là, ce sera son deuxième combat dans l'organisation UFC, et il affrontera un nouveau venu dans l'organisation. La plus grande organisation de MMA actuellement. Il s'appelle Jake Ellenberger, 6 pieds pour 170 livres. Condit, évidemment, 170 livres également. Mais 6 pieds et 2, alors c'est un très grand 170 livres. Condit a seulement 25 ans. C'était un combattant prometteur. Jake Ellenberger, ça, je le sais pas. Moi, j'aime bien Candide pour mercredi soir. Je vois qu'il doit gagner ce combat-là parce que il peut pas se permettre une défaite contre un inconnu comme Ellenberger. Sa défaite contre Capman, elle me dit pas beaucoup parce que moi, je considère Capman comme étant un bon combattant. Alors, c'est une défaite de qualité que je considère. Mais il doit tout de suite se remettre sur le chemin de la victoire, Condit, s'il veut être considéré important dans la division. Ça, c'est officiel. Par la suite, Nate Quarry face à Tim Crowder. Nate Quarry, un ancien partenaire de l'équipe Team Quest avec Randy Couture. À l'époque, il y avait également Matt Lindland et Dan Anderson. Bon, depuis, Couture a quitté la Team Quest pour former sa propre équipe. Et maintenant, Quarry va affronter Tim Crowder. Quarry, c'est un bon vieux vétéran de 37 ans qui a l'air d'un homme absolument sympathique et qui offre quand même des combats d'habitude assez intéressants. Rappelez-vous de ce chaos assez incroyable que Rich Franklin lui avait infligé. Ça, c'était en 2005. Ça remonte déjà à quelques années. Après ça, il était revenu pour affronter Pete Sell, où il avait été chercher une belle victoire. Plus récemment, une belle victoire qu'il a acquise contre Jason McDonald. Et précédant ça, par contre, il avait subi une défaite assez rapide face à l'excellent Damien Maia au sol. Et malheureusement, bon, depuis, Maia a goûté à la médecine de Nate Marquardt. Mais tout ça pour dire que Quarry, à 37 ans, pour lui, je pense qu'il n'a plus droit nécessairement à la défaite, surtout contre un adversaire du nom de Tim Crowder, qui, bon, à mon avis, n'est pas nécessairement un combattant d'importance dans la catégorie des 185 livres du UFC. Oui, je suis d'accord. Comme je t'expliquais hier, moi et mon fils, on va laisser les amateurs parler en nous parce que Nate Quarry, c'est un de nos préférés. À l'UFC 83, il avait pris le temps de donner sa casquette à mon fils, puis d'y serrer la main, puis ça a mis un sourire sur la figure à mon fils qu'un papa oublie pas. Alors, c'est sûr que nous autres, on va prendre pour Nate Quarry. On était bien contents de le voir gagner à l'UFC 97, malheureusement pour le Canadien. Il y avait deux Canadiens dans la foule qui prenaient pas pour lui. Oui, mais je pense que tout le monde s'est aperçu également. À la fin, je pense qu'on a tous apprécié plus le travail effectué par Nate Querry parce que le Canadien Caleb Sterns a fait une prestation lamentable cette soirée-là. Alors, pour Tommy Boy, pour Fred Garcia, évidemment, on souhaite une victoire de Nate Querry. Malgré que Tim Crowder est sur une belle lancée, il a une séquence de 6 victoires là, de suite d'affilée. Alors, ça va bien pour lui. Sa dernière, c'est face à Nick Catone par guillotine. Et sa dernière défaite remonte en 2006 face à Chael Sonnen, qui est également, je pense, Sonnen puis Querry. On peut peut-être donner des similitudes. Ces deux lutteurs, quand même, relativement bons. Les deux se sont entraînés avec la Team Quest. Je pense que Querry a peut-être les armes que Sonnen avait en 2006, lorsqu'il a vaincu Tim Crowder. Par la suite, Steve Cantwell face à Brian Stann. Les deux se sont déjà affrontés à 2 reprises. Ce sera un troisième et probablement décisive rencontre entre les deux pugilistes. Cantwell a une fiche de 7 victoires et 2 défaites, alors que Brian Stann a 6 victoires et 2 défaites également, mais ces deux défaites-là, il les a acquises dans ses 2 derniers combats face à Steve Cantwell, bien évidemment. Et l'autre défaite, c'était à son dernier combat face au Canadien de polonais d'origine, Krzysztof Sosinski. C'était à Montréal également, où il avait été défait par Kimura. Oui, c'est un de quelques combats un peu intéressants sur la carte préliminaire. Moi, je pense que Cantwell va gagner encore pour une seconde fois. Brian Stann l'avait battu à leur premier affrontement, puis ça avait été un KO rapide au premier round. Au deuxième affrontement, on a pu voir que Cantwell, selon moi, est supérieur à Stann, et je pense qu'on va revoir la même chose encore mercredi soir. Alors, je pense que je vais aller un peu plus rapidement pour les autres combats, Fred. Mais si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, tu me freines et je vais m'arrêter. Parce que là, c'est ça, on veut se garder du temps pour le prochain UFC, le gros UFC majeur qui s'en vient ce samedi. Alors, j'y vais avec Chris Wilson face à Mike Pyle. Chris Wilson, c'est un 6 pieds 1 pour 170 livres. Exactement la même grandeur et le même poids pour Mike Pyle. Les deux sont sur, dans leur dernier combat, ont subi la défaite. Wilson, c'était face à John Howard par décision partagée, alors que Mike Pyle avait été soumis par Brock Larson. Par la Ouais, suite. c'est pas un gros combat, on peut passer au prochain. Effectivement, là, on s'emballe pas là-dessus. CB Dollaway face à Jay Silva. Jay Silva que je ne connais pas et ce sera d'ailleurs son premier combat dans le UFC. Il a une fiche de 5 victoires et 1 défaite. Par contre, j'ai vu des images de lui et bon, il a quand même une stature assez enviable, je pense. Alors que CB Dollaway, lui, c'est un bon lutteur. Il a 6 pieds 2 pour 185 livres. Il a 8 victoires et 2 défaites. Ces 2 défaites, c'était suite à des soumissions. Tom Lawler l'avait soumis, bon, d'ailleurs c'était au dernier combat de CB Dollaway par guillotine. Et également, Amir Sadala avait réussi une magnifique clé de bras. Ça, c'était à la finale des Ultimate Fighter, la 7e édition dans l'année 2008. Ouais, encore une fois, pas un gros combat. Je connais pas Silva, moi non plus. Et CB Dollaway, c'est pas un mauvais talent. Il est jeune encore. Je vais garder un œil dessus, mais il n'y a rien à m'énerver, je trouve encore. Oui, ben, tout à fait d'accord avec toi. CB Dollaway également, c'est un partenaire de travail de Ryan Bader, le 205 livres également, un excellent lutteur avec une bonne main droite. Comme je pense la majorité des bons lutteurs américains là, ils ont pas nécessairement une technique magnifique debout, mais ils ont tout le temps une main droite ou une main arrière en tous les cas assez lourde. Sam Stout, le Canadien, face à Philip Nowver. Sam Stout, ici pour bon nos auditeurs québécois surtout. Eh bien, vous le connaissez parce qu'il a combattu quand même à quelques reprises pour l'organisation TKO. Et là, il affronte Philip Nowver. Sam Stout, c'est un jeune homme d'à peine 25 ans. Il s'entraîne avec Sean Tompkins. Il a une fiche de 14 victoires, 5 défaites et un combat nul. Mais à peu près tous ses combats sont enlevants. Dans le UFC, il a subi sa part de défaites. D'ailleurs, dans son dernier combat, a remporté la victoire face à Matt Wayman, mais avant ça, il avait subi deux défaites face à Terry Etim et Rich Clementi. Mais à chaque fois, c'est des spectacles assez incroyables. Rappelez-vous de son combat face à Spencer Fisher. D'ailleurs, ils se sont disputés la bagarre à deux reprises. Le premier combat avait été tout à fait, je pense, spectaculaire, un peu à la au défunt Arturo Gatti, là. Sam Stout aime échanger coup pour coup, et puis comme la majorité des combattants de l'équipe de Sean Tompkins, un cardio impeccable et puis une bonne technique. Oui, moi aussi, c'est un des combats que je vais aimer dans les préliminaires. Sam Stout, un bon jeune qu'on a. Ben, il est plus si jeune que ça, mais on l'a vu souvent à Montréal. Et tant qu'à Philip Nover, moi, je suis pas très impressionné. Alors, j'espère que Sam Stout va remporter une victoire facilement. Je pense qu'il devrait. Oui, puis d'ailleurs, Stout a beaucoup plus d'expérience. Philip Nover a une fiche de 5 victoires, 2 défaites et un combat nul. Et il est sur une séquence de 2 défaites consécutives face à Efren Escudero et Kyle Bradley. Finalement, et là, on va clencher ça, Jeremy Stephens face à Justin Buckles. Jeremy Stephens, 5 pieds 9 pour 155 livres. Il a une fiche de 16 victoires et 5 défaites. Il a 3 défaites à ses 4 derniers combats. Les défaites face à Gleison Thibault, Lauzon et Spencer Fisher. Buckles, lui, 2 défaites à ses 3 derniers combats. Ses défaites face à Terry Etim et Matt Wayman. Alors, pour les deux, là, ils n'ont pas le choix. Doivent aller chercher la victoire. Brock Larson face à Mike Pierce. Larson s'entraîne avec Sean Sherk et également Brock Lesnar à l'Académie d'arts martiaux du Minnesota. Il a 32 ans. 26 victoires, 2 défaites seulement et 18 de ces victoires-là grâce à des soumissions. Il est sur une belle séquence de 5 victoires consécutives. Sa dernière victime était justement Mike Pyle, celui qu'on a parlé précédemment. Il l'avait vaincu par soumission, par étranglement triangulaire avec ses bras, donc un étranglement de côté. Mark Pierce, lui, 8 victoires et une défaite et ce sera sa première apparition dans le UFC. Finalement, dernier combat de la soirée. Ryan Jensen face à Steven Stenbess. Jensen, c'est un combattant de 6 pieds et 1 pouce, 185 livres. Il a une fiche de 13 victoires et 5 défaites. Son dernier combat avait été défait par Wilson Gouveia grâce à une clé de bras, alors que Steve Stenbess, c'est son premier combat dans le UFC, le 4 et 2. Alors, c'est ça pour ce UFC Fight Night 19 là qui se déroule, je vous le rappelle, ce mercredi. Alors sur Spike TV, les amateurs, les vrais, je pense que vous avez probablement Spike TV ou sinon pensez-y, c'est peut-être le bon choix parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu du UFC sur Spike TV et très intéressant comme les UFC Countdown et UFC Unleashed également. Alors il y a plein de vraiment de matériel pour les mordus de MMA et ce UFC Fight Night là va se dérouler à Oklahoma. Oui, justement, tu parles de Spike TV et après le UFC Fight Night, ça va être le début de la 10e saison des Ultimate Fighter. On s'en parlait un peu, toi puis moi, puis tous les deux, on a regardé les premières saisons, on disait, et après ça, on a lâché un petit peu. Mais moi, personnellement, cette saison, je vais reprendre, je pense, l'habitude de le regarder à toutes les semaines. Dana White et l'UFC, ils ont mis le paquet, je pense. En commençant par Rampage Jackson puis Rashad Evans, juste ces deux-là, ça devrait nous donner un beau spectacle, une belle guerre de mots entre les deux qui devraient s'affronter. Malheureusement, on ne sait pas quand, à cause que Rampage va participer à un film. Mais, comme je dis, direct au début, avec l'annoncement des entraîneurs, j'ai beaucoup aimé l'émission à venir. Oui, puis effectivement, puis là, c'est un peu spécial parce que ce sera que des poids lourds. Et parmi eux, il y a évidemment un personnage, je pense, que les Américains ont appris à connaître grâce à l'entreprise Elite XC, qui, maintenant est disparue, mais qui avait misé gros avec ce combattant-là. Parle-nous de ce Kimbo Slice. Ben, on pourrait commencer. Peut-être qu'il faudrait regarder le site de l'UFC, voir s'ils ont compté ses victoires dans les combats de ruelle comme des vraies victoires. Mais sinon, Kimbo Slice, en tant que combattant, je suis pas plus impressionné que ça avec Kimbo. Mais dans les derniers mois, depuis qu'il a signé avec l'UFC, il m'a montré beaucoup en tant que personne. Je me rends compte que beaucoup de la mauvaise publicité qui était faite à son sujet était peut-être pas méritée. N'importe qui, si on lui offre 500 000 $ par combat, va l'accepter à peu près. Alors, Kimbo recevait beaucoup de mauvaise publicité Et en même temps, on le faisait paraître peut-être pour une mauvaise personne, mais depuis qu'il a signé avec l'UFC, j'entends des entrevues, puis il m'impressionne beaucoup juste par le fait qu'il est humble, il est là pour apprendre, il dit pas, il a pas de l'air plus gros que le show, il se laisse aller avec le show. Alors, Kimbo m'impressionne à date, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Peut-être que bon, toute cette arrogance disparue là, c'est peut-être grâce à Seth Petruzzelli dans le dernier combat bon, c'est Kevin Ferguson son véritable nom, mais on l'appelle tous Kimbo Slice. Alors que Elite XC avait misé vraiment très gros sur Kimbo et Seth Petruzzelli avait, je pense, défait tous les plans de l'organisation et Kimbo s'est retrouvé au sol avec, il me semble, l'un des knockouts, des TKO les plus suspects qui m'a été permis de voir, là, une espèce de jab de Seth Petruzzelli alors qu'il était le dos dans la cage et sur une jambe, pas d'équilibre, un coup vraiment sans aucune puissance, mais ça a frappé vraiment au bon endroit. Kimbo avait été affecté, puis bon, Petruzzelli avait fini ça à grands coups de poing. Kimbo sera-t-il revenir en force? Est-ce que dans la liste des combattants qu'on va mieux connaître à partir de ce mercredi sur Spike TV, est-ce que tu penses qu'il y a du matériel pour offrir vraiment des combats enlevants? Est-ce qu'il y a vraiment des poids lourds, peut-être qu'éventuellement on verra dans les meilleurs au monde ou à tout le moins les meilleurs poids lourds du UFC? Tu vois, je pense pas qu'il y ait aucun futur champion du monde, mais cette année, ils ont rajouté du talent un peu connu, si on veut. On a Roy Nelson, qui est un ancien de la IFL. Il me semble que sa fiche est de 13 victoires, 4 défaites. Il a perdu ses deux derniers combats, mais c'était contre Andrei Arlovski et il a perdu contre Jeff Monsoon, une décision très, très serrée, je dirais. Moi, j'avais donné le combat à Roy Nelson. Alors, j'aime bien Roy Nelson, mais comme je dis, je le vois pas non plus comme un aspirant potentiel un jour à la ceinture. Si on regarde les autres anciens qui ont déjà fait un tour dans le UFC, il y a Scott Junk, c'est ça, Scott Junk, ouais, et Wes Sims. Encore une fois, les deux, c'est bien des revoirs dans l'émission, mais je vois pas de potentiel à faire vraiment du Non, bruit dans le poids lourd. Du Alors, ce côté de qui Wes Sims, là, Fred, là, les gens qui suivent un peu ce qui se passe au Québec, il a été battu par Steve Bossé avec assez de Exactement. facilité. Je pense qu'on a mis Sims justement parce que bon, c'est un show télé aussi, là, alors ça prend quelqu'un pour mettre la marde dans le show. Et Sims, il me Exactement. semble le personnage parfait pour ça. C'est ça. Alors, à part Roy Nelson, je dirais, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de noms qui m'intéresse. Mais il y a un certain nom que je regardais les fiches de tout le monde. Il y a un gars qui s'appelle Darryl Schoenover. Faut remarquer qu'il y a une fiche de 10-0. C'est contre des inconnus, mais 10-0, c'est 10-0. Alors, faut pas fermer les yeux là-dessus. Et à part de ça, je vais aussi regarder, il y a quatre anciens de la NFL, dont Marcus Jones, Brandon Schaub, Matt Mitrone et Wes Shivers. Moi, je pense que en Amérique, quand on parle d'athlètes au-dessus de 200 livres, les meilleurs vont se retrouver souvent aux États-Unis, dans la NFL et au Canada, au hockey. Alors, c'est bien de voir des athlètes de la NFL rentrer dans le MMA parce que c'est des bons athlètes, ça c'est officiel. Ils n'ont peut-être pas les techniques, mais ils ont les qualités athlétiques, je pense, pour apprendre. Et s'ils ont le vouloir, on ne sait jamais. Oui, on verra bien. Il y a Bob Sapp, je pense, qui était je ne sais pas s'il a joué nécessairement des matchs dans la NFL, mais je sais qu'il avait été recruté par une équipe il y a quelques années. Bob Sapp, le gros garçon, à l'époque, je pense, il était entre 350 et 375 livres. Ben, il n'a peut-être pas affiné sa technique, puis ça n'a jamais donné quelque chose de très beau à voir. Mais souhaitons, je pense que Marcus Jones, entre autres, puis les autres, Marcus, je pense, c'est peut-être celui parmi les noms que tu as mentionnés, qui a le plus d'expérience en tant que joueur de football. Là. Je crois qu'il y a 7 ans d'expérience. Alors, c'est peut-être lui qui va être le plus prêt. Puis, en plus, il y a 4 victoires et une défaite en MMA. Et de ce que j'ai pu comprendre, il me semble vraiment dédié à la tâche, puis veut vraiment percer dans le MMA. Alors, voyons voir ce que ça va donner pour les autres. Mais le UFC, je pense, l'une de leurs plus grandes forces, c'est lorsqu'il bon, produisent des émissions de télévision d'habitude, c'est très bien fait et ça donne tout le temps du spectacle. Alors, cette saison-là, je pense que elle va battre tous les records à cause de Kimbo Slice, celui-là qui était connu pour ses combats sur YouTube. Bon, un peu malheureusement, je pense qu'elle va voler la vedette à tous les autres. Et Roy Nelson, que Fred nous a parlé, bien, pour ceux qui le reconnaissent peut-être pas, parce que bon, il a pas nécessairement combattu pour toutes les grandes organisations. Bon, le UFC, entre autres, on l'a vu à quelques reprises, bon, Affliction, IFL. C'est un garçon avec quand même une bedaine assez prépondérante, là. Il s'en cache pas, Non, il fait pas semblant d'être un athlète, mais hein? comme tu vois, j'aime beaucoup ses mains à lui aussi. On s'en parlait justement en préparation du show. Lui et Paul Buentello, c'est deux gars que moi personnellement j'aime bien. Je sais qu'ils seront sûrement jamais champions du monde, mais c'est des gars que j'aime regarder combattre. Il y a un aspect intéressant, je trouve, qu'ils apportent. Parfait. Et puis, bon, Fred va suivre l'émission, je pense, pas mal. Et va suivre, bon, toutes les nouvelles d'ailleurs sur MMA Nouvelles. Pour ceux qui suivent le site MMAnouvelles.com, vous êtes aperçu que Fred, il est tout le temps là-dessus. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle, d'ailleurs, je pense que c'est lui qui en apprend des fois aux véritables combattants. Il y a toujours une journée d'avance. Alors, on suit ça sur MMAnouvelles.com. Puis à travers notre émission, je pense qu'on va en parler de semaine en semaine, voir comment ça se déroule tout ça. Ça va être intéressant de suivre ça. Rashad Evans et Quinton Jackson. Tout ça a déjà été tourné, il faut le savoir. Puis apparemment, là, les deux se détesteraient. Je ne sais pas si c'est véritablement le cas, mais on va en savoir plus en regardant l'émission. Ça, c'est certain. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de showmanship, mais il y a certaines fois que des fois ils doivent rentrer sous la peau de l'autre. Ouais, puis ceux qui ont vu Rashad Evans, il a fait partie de la première saison, je pense, ou la première, La hein, je pense, deuxième, la la deuxième, il l'a deuxième. remporté en tant que poids lourd. Oui, ça, oui, je me rappelle très bien, avec le coach ben, Matthews, là, puis Matthews n'avait pas apprécié le comportement de Rashad Evans dans le combat, parce que Rashad, il est assez particulier, puis on l'a vu un peu face à Lyoto Machida, lorsqu'il est frappé, il aime pas ça, puis il réagit de manière étrange, mais ça donne du spectacle, qui est un peu hot dog, mais ça, c'est assez intéressant de voir ça, mais Machida, lui... Il s'est pas laissé intimider par ça. Il avait continué à le frapper. Puis Rashad est tombé. Voyons voir ce que ça va donner. Malheureusement, je suis un peu déçu que il y a beaucoup de combattants de MMA là, qui se lancent dans des carrières cinématographiques. C'est bien beau tout ça. Mais là, ça nous enlève un plaisir parce que là, à la toute fin de l'année 2009, on s'attendait à voir cette rencontre-là entre Rashad et Quinton Jackson. Et je pense qu'il va falloir attendre en 2010. Bien malheureusement pour les amateurs de MMA. Oui, et si tu t'avances sur une prédiction, qui va remporter ce combat-là? Ben pour l'instant, je dirais Rashad Evans, qui me semble un peu plus dédié bon au sport. Puis bon, Quinton Jackson, il a beaucoup de talent, mais lui aussi, à travers sa carrière, toujours des hauts et des bas. Des problèmes de motivation, il me semble, à quelques moments. Alors que Rashad, je pense qu'on est toujours sûr et certain de ce qui de ses objectifs. Oui, moi j'aime bien Rampage. Je le vois fort. Et je suis pas un très grand fan de Rashad. Je reconnais qu'il y a beaucoup de talent, mais je sais pas, il y a quelque chose je sais que je me suis trompé parce qu'il a souvent gagné quand je disais qu'il allait perdre. Mais il y a juste quelque chose que je vois que je sais pas. Il y a quelque chose que j'aime pas chez lui. Oh, ben on va s'en reparler, ça c'est certain, Fred, lorsque ça va se dérouler. Mais pour l'instant, si on se rapporterait au UFC 103, c'est ce 19 septembre qui s'en vient. Ce samedi, ça va se dérouler à Dallas, dans l'aréna où jouent les Stars de Dallas. Et également, il y a une équipe de basketball, là, je pense que c'est les Mavericks à Dallas. Alors là, c'est le UFC, les combattants du UFC qui vont prendre l'affiche cette soirée-là avec comme combat principal Rich Franklin face au Brésilien, le phénomène Vitor Belfort qui a eu un début de carrière tellement fracassant, mais pour l'instant, par la suite, a connu quelques bas, des hauts, mais là, il est sur une excellente séquence et on veut savoir la prédiction de Fred Garcia. Comme on disait au début de show, là, avant de partir en onde, je ne suis pas sûr. J'aime les deux. Et je vais pencher vers Vitor Belfort, je dirais, parce que je pense qu'on va le voir vraiment en très bonne forme. Peut-être meilleur que jamais. Belfort est encore relativement jeune. Je suis pas sûr quel âge qu'il a. Et depuis quelques années, il a remis sa vie sur la bonne ligne, je pense. Il avait beaucoup été affecté avec le décès de sa sœur, ben, la disparition, comme on a vu justement. Moi, j'ai appris dans l'émission Countdown. Personnellement, Vitor Belfort, on dirait qu'il la considère pas décédée. Je pense que les autorités brésiliennes, eux, considèrent que sa sœur est décédée. Mais avec cela dit, depuis quelques années, Vitor Belfort paraît beaucoup mieux et je pense que on va voir un Belfort rapide et fort samedi. Oui, alors à 32 ans, ça c'est l'âge de Vitor Belfort. Il s'entraîne maintenant avec l'équipe d'Extreme Couture, alors Sean Tompkins en tête et tout le tralala. Et ça lui a porté fruit. Je me souviens, je pense, dans son combat pour Affliction face à Terry Martin, il y avait Randy Couture dans son coin. Et depuis ce temps-là, ça va très bien pour Vitor Belfort. Là, il est sur une séquence de 4 victoires consécutives, dont la dernière où il a fait subir un KO incroyable à Matt Lindland, qui s'est ramassé au sol et dans des circonstances où qu'on n'aime pas voir. Lindland, c'est pas beau à voir. Il s'est relevé un peu comme si vous vous souvenez de la vache folle, là, ça ressemblait un peu à ça. Ça allait pas bien son affaire. Mais là, depuis, on est tous contents. Lindland semble s'être remis et on vous reverra assez prochainement, je pense, pour l'organisation Strike Force. Et Vitor Belfort, lui, veut continuer sur cette lancée assez mémorable-là. Mais là, ça sera pas facile pour lui. Rich Franklin, c'est un combattant de renommée, qui a beaucoup de succès dans la UFC, a pas subi beaucoup de défaites. Il a une fiche de 25 victoires, 4 défaites. Toutes ces défaites, quand même, contre des noms importants. Oui, il faut noter ça. Je dis toujours ça quand je parle de Rich Franklin, parce que c'est un autre que j'aime beaucoup. Et faut regarder contre qui a perdu. Il a perdu 2 fois contre Anderson Silva, Machida et Dan Anderson. C'est 3 gars qu'on risque de voir dans le Hall of Fame un jour. Alors, Rich Franklin, si on regarde sa carrière, c'est très impressionnant, moi, je trouve. Oui, ben, tout à fait d'accord avec toi. Alors que Belfort, lui, a 18 et 8. Il a commencé sa carrière. C'était assez fulgurant, son affaire. Il avait à peine, même pas 20 ans. Et il a de succès en succès. Il a combattu des gars plus gros que lui. Belfort, faut dire, il combattait dans les poids lourds, avant ça. Et là, dernièrement, pour Affliction, il était à 185 livres. Et ce combat-là, face à Rich Franklin, ça se jouera dans la catégorie, ben, entre les deux, c'est-à-dire à 195 livres. Pas de chicane. Un a concédé un peu de poids, puis l'autre en a pris un peu pour se livrer cette bagarre-là, qui va être très intéressante. Franklin, d'habitude, un bon cardio, puis est capable, sur 3 engagements de 5 minutes, de livrer du stock intéressant. C'est pas le genre à s'épuiser après un round et d'offrir une prestation plutôt lamentable dans les dernières minutes de combat. Belfort, lui, on n'est jamais sûr. Je me souviens d'un combat face à Sakuraba pour le Pride, où, à ce moment-là, Sakuraba, moi, c'était mon combattant favori, mais quand même, j'avais été déçu de la performance de Belfort. Alors, on sait pas trop avec Belfort. Il y a des hauts et des bas dans sa carrière. Là, ça semble très bien aller, mais on verra comment ça va se dérouler. C'est sûr, du côté de la boxe, Belfort a des mains très rapides, une technique supérieure à Franklin, je pense. Par contre, Franklin a une arme peut-être que Belfort n'utilise que très rarement, c'est-à-dire ses jambes. Franklin a des bons coups de pied, une bonne technique en kickboxing également. Au sol, Franklin n'est pas mauvais. Belfort, c'est une ceinture noire sous Carlson Gracie. On n'a jamais vraiment pu voir toute son étendue de son talent au sol, Belfort, parce que bon, il aime particulièrement échanger debout. Franklin, au sol, se débrouille bien habituellement. Alors, voyons voir comment ça va se départager tout ça. Moi, je vais donner la victoire à Rich Franklin. C'est un combattant intelligent qui est capable de bien bouger. Et il va tenter de tenir à l'écart Belfort. Et je pense que Franklin ne doit pas foncer sur Belfort, mais plutôt bouger autour de lui, utiliser ses jambes, le frapper dans les jambes pour épuiser Belfort, qu'il puisse pas utiliser peut-être les transferts de poids parfaits pour ses coups de poing, pour que le garder à distance. Puis Franklin, il y a également Franklin, ce que j'aime de lui, c'est son crochet de la main avant qu'il utilise, que c'est peut-être pas techniquement parlant parfait, mais d'habitude, c'est très efficace. Alors, ce sera un combat, je pense, qui peut être très excitant. D'ailleurs, les 2 derniers combats de Franklin se sont rendus à la limite face à Dan Anderson et Wanderlei Silva, et je pense que tout le monde a apprécié ces 2 bagarres-là. Oui, ça va être un très bon combattant, un très bon combat. Moi, c'est comme je dis, c'est 2 gars que j'aime beaucoup. Alors, un côté ou de l'autre, je vais être heureux. Peu et importe qui gagne. Oh, alors pour clore le sujet, ben je vais vous dire que les 2 combattants ont quelques adversaires en commun. Les deux ont affronté Wanderlei Silva, Marvin Eastman et Anthony Rea et Dan Anderson. Et les deux ont compilé face à ces adversaires-là une fiche de 3 victoires et une défaite. Les deux ont subi la défaite face à Dan Anderson. Alors Belfort avait été défait par Dan Anderson et Franklin également. Sinon, les deux Belfort et Franklin ont vaincu. Et Anthony Rea, ça c'est un Français qu'on connaît plus ou moins ici. Marvin Eastman également et Wanderlei Silva. D'ailleurs, Wanderlei Silva avait été défait par Vitor Belfort dans l'organisation UFC il y a quand même de cela très longtemps avant que Wanderlei nettoie l'organisation Pride. Le pauvre Silva avait goûté à la médecine de Belfort et ses mains rapides et puissantes. On continue. Dans la catégorie des poids lourds, maintenant, c'est Mirko Filipovic. Et là, je suis pas sûr que j'ai peut-être pas le bon déroulement de la carte, là. Mais on va y aller avec Mirko, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Crocop, face à Junior Dos Santos, un élève de la famille Nogueira, Antonio Rogério ou Rodrigo Nogueira. Les deux sont bons, les deux jumeaux. Alors, voyons voir ce que... Oh, excusez, on s'étouffe ici. Junior Dos Santos pourra faire face à l'expérimenté croate Mirko Krokop. Comment tu vois ce combat-là, Fred? Je suis pas sûr. Je sais que Crocop, c'est le fan favorite, comme on dit en anglais, et le monde voudrait bien le voir gagner. Mais je regarde présentement sa fiche, justement, et je vois que ça, pour moi, sa dernière victoire de qualité est en 2006 contre Josh Barnett. Et depuis, il y a pas beaucoup. Ses victoires, c'est contre des opposants pas très impressionnants. Et aujourd'hui, dans les derniers jours, on nous dit que Crocop pourrait être un challenger à Brock Lesnar avec une victoire. Et j'ai un peu de misère avec ça. Et puis d'après moi, Mirko, ça lui tente pas d'affronter Brock Lesnar. Mirko me semble un gars qui aime pas toujours les gros défis. C'est l'impression que j'ai, je le connais pas très bien. C'est pas un gars que j'aime, honnêtement, moi, Crocop. Je suis un amateur également de combat pieds et poings. Je l'ai vu dans l'organisation K1, où ça allait très bien. Mais sauf que là, le pauvre Mirko, on le connaît, on le sait, son arme, c'est quoi? C'est sa jambe arrière. Sinon, il a une boxe correcte, mais rien de plus. Au sol, bon, il se débrouille bien, mais il n'y a rien de magique là. Il n'y a pas l'expérience que la plupart des combattants ont également au sol. Alors, son arme, c'est sa jambe arrière, sa jambe gauche, puissante, qui peut frapper assez rapidement. À la tête de ses adversaires. D'ailleurs, il a plusieurs adversaires ont goûté à cette médecine-là, dont Emelianenko. Bon, pas Fedor, là, mais plutôt son jeune frère Alexander Emelianenko, qui avait été défait par Filipovic. Mais là, on le connaît le truc à Filipovic. D'ailleurs, lorsque Crocop a affronté Cheick Kongo. Kongo a contrôlé le combat avec une aisance remarquable. Il avait remporté la victoire. Kongo faisait juste rouler du côté pour fuir la jambe arrière de Crocop. Et c'est comme ça qu'il a vraiment annihilé toute chance de Crocop de remporter la victoire. Alors là, tout le monde le connaît. Et Crocop, je pense, va perdre ce combat-là face à un gars que je connais pas beaucoup, que j'ai vu un combat face à Fabricio Werdum, et là, ça avait été quand même assez étonnant, parce qu'à ce moment-là, personne, je pense, connaissait Junior Dos Santos. Il avait une fiche de 6 et 1 à l'époque, et avait facilement défait Werdum grâce à un uppercut. Il s'entraîne avec les frères Nogueira, alors on peut s'imaginer qu'il a peaufiné son style au sol également. Parce que bon, les frères Nogueira, c'est pas mal les meilleurs au sol dans la catégorie, bon, les poids lourds pour celui qu'on connaît comme, je me trompe tout le temps, Rogério puis Rodrigo là, mais en tout cas, il y a un 205 livres puis un poids lourd dans les deux frères jumeaux Nogueira. Alors Santos, je pense que va être supérieur à Crocop et j'espère qu'il va le battre de manière assez spectaculaire puis qu'on ait peut-être la chance de plus revoir Crocop dans le UFC. Oui, et en parlant de Dos Santos, si on revient, tu disais que tu as vu le combat de Werdum. On nous dit souvent qu'il a une belle boxe, mais je l'ai trouvé un peu crispé, moi, quand il lance ses coups de poing. J'ai hâte de voir. C'est un jeune avec un beau futur devant lui, mais j'ai hâte de voir contre un striker, contre Mirko, justement, s'il a vraiment une si belle boxe que ça. Parce que contre Werdum, c'était pas un bon test pour voir son striking. Effectivement, c'est allé assez vite également face à Verdum, là. En 1 minute 21, toute l'affaire était réglée. Au niveau de la portée, je pense que Santos va avoir un avantage. Il a 6 pieds et 4 pouces, alors que bon, Mirko, c'est un 6 pieds 1, 6 pieds 2, là. Crocop, à son dernier combat face à Mustapha Altürk, me semblait pas nécessairement en grande forme. Il a remporté la victoire, mais bon, un doigt dans l'œil, puis ensuite en a profité pour remporter la victoire. Mais moi, il me convainc pas, ce Mirko Krokop-là, qui a été un policier croate et qui a été également agent spécial dans le service antiterroriste de la Croatie et qui, je pense, maintenant est en politique également. Alors, je pense que bon, il y a des amateurs, surtout en Europe. Peut-être qu'il y a des gens en France qui nous écoutent. Ben, on apprécie Mirko Krokop, mais de mon côté, là, ses prestations dans le UFC et même parfois son comportement dans le Pride, moi, a fait en sorte que c'est pas nécessairement mon préféré. D'ailleurs, il s'est entraîné avec Branko Cicatic également, qui lui a été un des tout premiers à remporter le gros événement du K1, là, le K1 Grand Prix qui a lieu chaque décembre il y a quelques années. Cicatic avait remporté, je pense, la première ou la deuxième édition. Et d'ailleurs, ce Croate-là avait ensuite participé au Pride et je pense à deux reprises de mémoire. Un combat en règle de MMA, puis l'autre en règle, je pense, pied et poing. Puis à ces deux reprises-là, avait, à mon sens, été déloyal, surtout face à Mark Coleman, Marker, je me souviens de ce combat-là, où Cicatic n'avait pas nécessairement présenté un bel esprit sportif. Et du côté de Crocop, moi, des fois, j'aime pas son comportement. Tu es en train de dire qu'il a le bon caractère pour être le policier. Ouais, effectivement. Ben alors, certaines personnes pourraient penser comme ça. Poursuivons. Oh, ça, c'est décevant. On est dans la catégorie des 170 livres, catégorie de Georges Saint-Pierre. Mark Cartman était supposé affronter Mike. C'est-tu Mike Quick? Mike Swick. Mike Swick, effectivement, je suis un peu mélangé. Mike Swick, et honnêtement, le gagnant de cette confrontation-là était supposé affronter Georges Saint-Pierre. Puis il me semble qu'il n'y a pas de saveur en affrontement, que ce soit Campman ou Swick. Là, je pense pas que ni l'un ni l'autre peut vraiment donner de l'opposition à Georges Saint-Pierre. Mais là, ben, de toute manière, on oublie ça, puisque Swick sera pas là. C'est l'Anglais Paul Daly qui va être là pour affronter Martin Campman. Oui, je connais pas Daly. Comme je disais tantôt, j'aime bien Martin Capman, mais avec ça dit, je pense pas qu'il y a personne à 170 livres qui peut donner un test à Georges St-Pierre. Et si j'aurais à choisir la meilleure personne qui a pas eu de chance contre Georges St-Pierre, ça serait sûrement Jake Shields, qui s'est battu souvent à 170 livres par le passé. Mais même Jake Shields, je vois pas, il n'y a pas personne à 170 livres tout court qui me donne l'impression qu'ils vont donner un vrai challenge à Georges St-Pierre. Avec ça dit, j'aime beaucoup Campman quand même. C'est un bon jeune, il a juste 27 ans. Et tu parles souvent d'Extreme Couture, alors on peut le retrouver là-bas avec Randy Couture et plusieurs autres bons combattants. Il a juste 27 ans, alors il a encore un bon futur devant lui. Ça amènera sûrement jamais de championnat tant que Georges St-Pierre va être là. Mais je le vois remporter quand même, être un facteur dans la division. Ben, pour ce qui est de Paul Daly, c'était une nouvelle acquisition pour le UFC. Puis, honnêtement, j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi on est allé chercher Paul Daly. 21 victoires, 8 défaites. Moi, je l'ai fait quelques reprises. M'a jamais vraiment impressionné. Sa force est debout. D'ailleurs, 16 de ses 21 victoires, c'était grâce à des KO ou TKO. Alors, debout, il y a quand même des habiletés. Je me souviens de son affrontement face à Jake Shields. Shields avait remporté assez facilement. Lorsque Shields a réussi à amener ça au sol, il a contrôlé ça de main de maître. Et Daly, au sol, je pense, a démontré qu'il avait beaucoup de manques, beaucoup de faiblesses. Et je pense qu'on peut penser que Campman va peut-être profiter de ça. Malgré que Campman également se débrouille très bien debout. Alors, on peut peut-être assister à une guerre debout. Puis en plus de tout ça, Daly, il me semble, à 170 livres, il me semble un peu petit. Fait seulement 5 pieds et 9 pouces. Il me semble que dans son cas, il y aurait peut-être intérêt même à descendre à 155 livres. Mais voyons voir ce que ce nouveau combattant-là du UFC va pouvoir faire face à Martin Capman. Par la suite, là, c'est un combat qui m'intéresse un peu plus. Ce sera deux Américains, Josh Koscheck face à Frank Triggs. Moi, d'emblée, là, je vais dire, Fred, je pense que Josh Koscheck va remporter la victoire assez facilement. Oui, je suis pas un grand fan de Frank Trigg. C'est un vétéran que je suis content de revoir parce que je suis un amateur du sport, mais je vois pas qu'il va avoir aucun impact à 170 livres. Je le vois derrière beaucoup de gars, que ce soit Thiago Alves, Koscheck, derrière Souick et Campman même. Alors, Frank Trigg, c'est bien de voir les vétérans revenir parce que je suis un peu un nostalgique, puis j'aime bien revoir les vieux gars revenir dans l'UFC comme Tito Ortiz et tout ça. Mais je vois pas grand-chose comme impact. Koscheck, lui, j'aime beaucoup. À son dernier combat, si on se rappelle, il a perdu contre Paulo Paulo Filho. Thiago. Paulo Thiago, Thiago. ouais, excuse. Paulo Thiago. Puis avant qu'il se fasse mettre KO, Koscheck m'impressionnait beaucoup, beaucoup, avec surtout son overhand right qui appelait, là, sa droite par-dessus. Elle arrivait et a connecté souvent. Malheureusement, il s'est fait prendre contre Paulo Thiago. Et il s'est fait mettre KO vite. Je me rappelle plus c'était qui l'arbitre. Je pense que c'était Yves Lavigne et il y avait eu controverse. Mais je me rappelle que je trouvais que c'était une bonne décision parce que j'étais qui était parti dans les vapes. Alors on va voir s'il peut revenir sur le bon chemin. Oui, puis cette défaite-là, je pense que c'était une défaite surprise. À l'époque, on le connaissait pas du tout, Paulo Thiago. Là, on le connaît mieux parce que bon, il est allé chercher cette victoire-là surprise face à Koscheck, mais là, il vient de perdre face au partenaire de travail de Koscheck, justement, soit John Fitch. Bon, faut savoir que Koscheck s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy, avec John Fitch, également Mike Swick. Alors, trois des 10 meilleurs du UFC à 170 livres qui est parti de la même équipe. Koscheck, je pense qu'il a 30, il a 31 ans et il me semble que dans ses derniers combats de Georges St-Pierre, ça a peut-être été celui qui a donné le plus d'opposition à Georges. Rappelez-vous, face à BJ Penn, facile pour Georges. Face, bon, récemment à Thiago Alves, relativement facile. Face à John Fitch, c'était 5 rondes où St-Pierre a dominé chacune des rondes et même, je dirais même, chacune des secondes de ce combat-là. Face à Josh Koscheck, bon, Georges n'a jamais été mis en danger, mais il me semble que Koscheck avait pas mal paru. C'est un excellent lutteur, Koscheck. Il a été champion de la NCAA Division 1 aux États-Unis. Il a eu beaucoup de succès. C'est un bon athlète. Puis tu parles de sa main droite également. Moi, je pense que on la voit toute venir, cette main droite-là. Il la lance comme un lanceur de baseball. Facile à voir. Mais ça marche. Écoute, je pense n'importe quel technicien en boxe, puis ça, je suis pas nécessairement un bon boxeur là, mais te dirais que c'est pas la bonne technique. Mais dans son cas, il a tellement de succès avec ça. Rappelez-vous son avant-dernier combat face au pauvre japonais lors du UFC Fight for the Troops, Yoshida. Quand je check le connecté avec cette main-là, Yoshida est parti, puis ça lui a pris beaucoup de temps pour se relever. Je pense même on a eu besoin de civière là. Quand je check beaucoup de puissance avec cette jambe-là, puis des fois il se permet quelques coups de pied, pas très bien lancés, mais encore une fois avec beaucoup de puissance. Koscheck, je pense, est meilleur que Triggs. Il a un meilleur menton, il a une meilleure lutte, même si Triggs c'est pas un mauvais lutteur. Puis Koscheck est plus jeune, probablement plus affamé, et Koscheck va l'emporter. Ça, c'est ma prédiction. Oui, moi aussi, assez facilement même. Je vois pas, comme je dis, je suis content de voir le vétéran revenir, mais je vois pas qu'il y aura aucun impact dans la division. Par la suite, Tyson Griffin face à Hermes Franca. On est dans la catégorie des 155 livres. Griffin, c'est un bon lutteur, un autre qui s'entraîne avec l'équipe Extreme Couture, 5 pieds 6, 155 livres. Hermes Franca, c'est un vétéran, il a 35 ans, il fiche 19 victoires et 7 défaites dans ses 5 derniers combats. Il a subi la défaite à deux reprises face à Frankie Edgar et Sean Sherk, et ces deux-là, c'était d'excellents lutteurs, et Edgar et Sherk, alors que Griffin, c'est également un excellent lutteur. Alors, bon, j'ai l'impression que Griffin devrait aller chercher une 14e victoire, lui qui n'a que deux défaites jusqu'à maintenant. Oui, moi aussi je suis d'accord, Griffin devrait l'emporter. Et en même temps, ça me fait penser que la division poids légère, poids léger est très belle. Que ce soit dans l'UFC ou le reste du monde, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Et un gars comme Tyson Griffin, qui est quand même un très bon combattant, il se retrouve pas dans le top 5 de personne, ni dans à peu près pas de top 10. Et ça montre combien de talent qu'il y a à ce poids-là, à 155 livres, je trouve. Oui, puis à 5 pieds 6, peut-être que pour lui, pourrait descendre à 145 livres et bon, avoir du succès dans la WEC, mais en même temps, je pense que combattre dans les UFC, c'est probablement plus payant. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, un peu plus rapide peut-être pour les autres combats, mais encore une fois, Fred, t'hésites pas à ralentir mon rythme si tu veux mentionner quelque chose. On a un combat qui va être disputé entre Efren Escudero, qui d'ailleurs est un champion de la série télé-réalité The Ultimate Fighter. Il a 11 victoires, dont 9 grâce à des soumissions. Alors, un excellent combattant au sol. Et il a battu par décision Philippe Nowver en finale The Ultimate Fighter. Il a seulement que 23 ans et il affrontera Coley Miller, un autre expert en soumission. Il a 10 soumissions sur 15 victoires. Il a subi la défaite à 3 reprises. Et dernièrement, il a battu Georgie Gorgel, qui d'ailleurs s'entraîne avec Rich Franklin assez souvent. Puis je pense que c'est Franklin suit bon son jiu-jitsu lui vient de Georgie Gorgel. Alors Gorgel est supposé être bon en jiu-jitsu, mais pourtant il a été soumis par Coley Miller. Alors, Miller, un expert en soumission, voyons voir ce qu'il pourra faire face à Escudero, un autre qui n'est pas piqué des verres côté soumission. Oui, ça devrait être un autre très bon combat encore chez les légers. J'en viens à dire, c'est une très, très belle division. Il y a tellement de talent. Une victoire de l'un ou l'autre le mettra sûrement pas, mettra pas le gagnant dans le top 10, mais ça va continuer une belle progression. Puis les deux bars sont jeunes et ils ont beaucoup de talent, alors ils risquent d'être très affamés puis nous donner un très beau spectacle. Maintenant, dans la catégorie des 185 livres, on a Drew McFredise. Il a 31 ans, 8 victoires et 5 défaites. Dans le UFC, il a une fiche de 4 victoires et 4 défaites. Il a perdu face à Patrick Côté et également, tout récemment, à Montréal. Attends, c'est-tu à Montréal celui-là? Non, Il je me semble pense que que c'était pas c'était à à Montréal. l'UFC 98 contre Fupa Pocam, le français. Il avait Oui. gagné, sauf il avait battu Xavier Fupa Pocam, il me semble, à l'UFC 98. Ouais, effectivement, Yves Lavigne était là pour, comme arbitre et Pocam a subi, je pense, deux knockdowns. Puis, à un moment donné, l'arbitre n'a pas eu le choix d'arrêter ce combat-là. C'était le deuxième combat de Pocam dans le UFC. Son premier était à Montréal. C'est pour ça que je me suis un peu mêlé. Alors, Drew McFredise va affronter Thomas Dorall. Je prononcerai ça comme ça. C'est un peu bizarre. Il manque, y a quelque chose qui manque à son nom de famille, mais c'est Thomas Dorval, un nom étrange, 16 Polonais. victoires de défaite. Oui, un Polonais d'origine. Il a une magnifique séquence de 2 victoires consécutives contre, et là, écoutez bien ça, Mike Sinolovich, alors un autre nom étrange, et Ivan Cerati, je pense que c'est un Italien celui-là. Alors, voyons voir ce que Dorval va pouvoir faire face à McFredise, qui je pense est peut-être un combattant un peu plus relevé que Cerati et Sinolovich. Oui, McFredries, je ne suis pas sûr comment on prononce. Il est toujours intéressant parce qu'il est explosif et il aime garder le combat debout, mais je pense qu'il est pas complet comme combattant et ça va être un bon spectacle, mais je vois pas rien d'important dans ce combat-là. Effectivement. Maintenant, dans la catégorie des 155 livres, on a Jim Miller, 14 victoires en 3 défaites, dont 9 grâce à des soumissions. Il a maintenant comme adversaire notre ami Steve Lopez. Il a 12 victoires et une défaite et ce sera sa première apparition dans le UFC. Poursuivons avec un autre combat à 155 livres. Rafaelo Oliveira, 9 victoires et une défaite. Il a 27 ans. Un autre qui va entamer sa carrière dans le UFC face à Nick Lanz, un autre combattant qui a son premier combat dans le UFC. Il a 16 et 3. À 170 livres, Rick Story. Alors, Rick Story, il me semble que ce n'est pas un autre combattant, ça. Mais en tous les cas, 7 victoires et 3 défaites. Et son seul combat dans le UFC, il avait subi la défaite par John Attaway. Et là, il va affronter Brian Foster, qui s'entraîne avec l'équipe de Matthews. Il a 12 victoires pour 3 défaites. Maintenant, à 205 livres, Elliot Marshall, 7 victoires et une défaite. Il a battu Vinicius Magalhaes à Montréal, d'ailleurs. Il va affronter Jason Brills, qui a 17-1 et 1 et qui a battu Tim Boach et Brad Morris au UFC. Voyons voir ce qu'il va pouvoir faire cette fois-ci face à Elliot Marshall. Alors, il nous reste deux combattants, dont un peut-être qui m'intéresse un peu plus là, c'est la présence de Vladimir Matyushenko, un 205 livres. C'est l'un des bons 205 livres, je pense, qui n'était pas dans le UFC. Il a 38 ans, alors c'est un vétéran. Par contre, 22 victoires pour 4 défaites. Il a eu une seule défaite à ses 10 derniers combats et c'était face au jumeau de Nogueira, celui-là qui combat poids lourd pour le UFC, qui d'ailleurs, on a vu son jeune frère jumeau maintenant apparaître dans le UFC pour les 205 livres dans une carte éventuelle. Voyons voir ce que Matyushenko va pouvoir faire face à un autre Croate et partenaire de travail de Mirko Krokop. Il s'appelle Igor Pokrajac. Oui, Matyushenko, je suis content aussi de le revoir. Moi, je veux voir la plupart des gros noms connus dans l'UFC. Le plus qu'on peut en avoir ensemble, le mieux que c'est, ça peut donner tellement de possibilités de combat. Si on regarde sa fiche, il y a 23 victoires, 4 défaites. Ces 4 défaites sont arrivées contre des assez gros noms. Arlovski, Nogueira, Ortiz et Vernon White il y a très longtemps. Alors, Matyushenko, c'est un solide combattant. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'il peut faire contre les tops au monde. Oui, effectivement. Et finalement, dernier combat, Rob Emerson, 9 victoires, 7 défaites. Il vient de perdre par soumission face à Kurt Pellegrino. Il va affronter Rafael dos Anjos, 11 victoires, 4 défaites. Il a 2 défaites au sein du UFC face à Tyson Griffin et Jeremy Stephens. Et face à Tyson Griffin, souvenez-vous, il avait appliqué une espèce de torsion du mollet à Tyson Griffin. Ça avait l'air souffrant, mais Griffin avait réussi à s'en sortir, puis a finalement remporté le combat, je pense, par décision. Alors ça met un terme à ce UFC 103 qui se déroulera à Dallas sur vos écrans, sur le pay-per-view ce samedi soir vers 10 h, comme à l'habitude. Ou Peut-être, sinon, oui, vas-y, j'allais Fred. dire, peut-être juste rappeler aux amateurs que vu qu'il y a le pay-per-view de boxe de Floyd Mayweather, il y a deux combats préliminaires qui vont être présentés en direct sur Spike TV avant à partir de 9 h. Ah oui, oh. Il me semble que c'est Efren Escudero contre Cole Miller, puis Drew McFredries contre Thomas Droll. L'UFC a fait l'annonce il y a environ 2 semaines où il avait dit qu'il présenterait deux combats en direct sur Spike TV gratuitement, pour faire compétition au pay-per-view de boxe qui, lui, me semble, commence à 9 h, mais ça, je suis vraiment pas sûr parce que je suis pas assez la boxe pour vous le dire. Ouais. Bon, on s'en fout de toutes les manières. Je pense qu'on a plus de chances d'avoir un bon spectacle avec ce UFC-là. Et je te remercie, Fred, de m'apprendre ça. Je savais pas qu'il y avait des combats préliminaires sur Spike TV. Et je pense que nos auditeurs vont pouvoir en profiter aussi. Ça risque d'être très intéressant. Vous écoutez ça chez vous, peut-être entre amis ailleurs, dans un bar sportif quelconque, ou juste on se réunit entre chums pour écouter ça. D'habitude, c'est un succès vif. C'est rare, hein, une carte du UFC qui ne donne pas de spectacle. D'habitude, même s'il n'y a pas toujours de très gros noms, d'habitude, sur 4, 5, 6 combats qu'on nous présente, il y en a au moins 2 ou même 3, parfois 4, très enlevants. Oui, exactement. Toujours de l'action dans l'UFC. Oui, maintenant, Fred, je pense qu'on va pouvoir voir l'étendue de ton talent. Tu as sûrement quelques potins ici et là à nous mentionner. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça tout de suite sur le UFC ou sur les autres grandes organisations majeures? Oui, on peut revenir un peu sur les dernières histoires de la semaine. Je pense que la plus grosse, ou une de mes préférées, moi, c'est celle qui entoure tout Anderson Silva, Nate Marquardt et Dan Anderson. Selon ce que je peux comprendre, parce que bien sûr, c'est toutes des rumeurs pour le moment, Dan Anderson n'a pas de contrat avec l'UFC, ça c'est officiel, et en ce moment, il n'a pas encore signé de nouvelle entente. Il joue un peu la dure, il cherche à avoir un peu plus d'argent, et c'est peut-être normal, parce que c'est sûrement un de ses derniers contrats, il a 39 ans, il me semble, Dan Anderson. Alors, lui, il joue un peu dur, c'est pour ça qu'on ne le verra pas non plus à l'UFC 105, qui, en passant, a annoncé aujourd'hui que la finale du gala UFC 105, le 14 novembre prochain à Manchester, en Angleterre, ça va être Brandon Vera contre Randy Couture. Oh, je Alors, suis sûr, moi, ça m'en ouais, valait pas. c'est pas un très gros combat. Comme je dis, j'aime mieux quasiment parler de la situation Anderson, Marquardt, Silva, à savoir qui va avoir le prochain combat. Est-ce que Silva va attendre le gagnant entre les deux? Qu'est-ce qui va se passer selon toi dans ce dossier-là? Ben moi, tout ça m'intéresse. Une confrontation Mark Wilde face à Dan Anderson, ça m'intéresse. Ou si on passe tout de suite, on coupe court, puis Dan Anderson tout de suite face à Anderson Silva, j'ai rien contre également. Tout ça, moi, ça me ferait plaisir. Mais je pense qu'à 185 livres, ça va être difficile de trouver quelqu'un pour disposer d'Anderson Silva. Et je pense honnêtement que Dan Anderson a peut-être plus de chances que Nate Markwald pour vaincre Anderson Silva. Mais j'ai l'impression qu'un combat entre Markwald et Dan Anderson, bien, Markwald risque de l'emporter. Je sais pas si vous m'avez suivi, là. C'est un peu chaotique, c'est un peu étrange, mais c'est l'impression que j'ai. Tu vois, moi, personnellement, depuis plusieurs mois, là, je suis sûrement je devrais être porte-parole pour Nate Marquardt parce que je le vois tellement amélioré depuis la première fois qu'il a affronté Anderson Silva. Je dois admettre que le combat d'Anderson Silva contre Forrest Griffin m'a refroidi un peu. J'ai vu à quel point qu'Anderson Silva est Oh vraiment bon. là là là. Mais Hey, ben faut. personnellement, mon choix pour l'affronter, c'est Nate Marquardt pour le moment. Je pense que ce serait le meilleur challenge pour le champion. Oui, puis honnêtement, moi, mes prédictions d'habitude, je suis assez poche là-dedans. Moi, j'avais prédit la victoire de Forrest Griffin sur Anderson Silva. Puis je me souviens, j'étais arrivé devant mon écran, puis j'ai vu l'entrée de Forrest Griffin cette soirée-là. Il arrivait en joguant, puis il avait l'air dedans, puis je me suis dit, ça sent bon. Et 2 minutes plus tard, il repartait aussi en joguant, Il mais joguait plus vite pour repartir. ouais, c'était pas une prestation. D'ailleurs, il me semble qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec Forrest Griffin depuis. Est-ce que toi, t'en sais un peu plus? Non, je l'ai vu. Jog encore, Non, hein? j'essaie de me rappeler. Il me semble c'est un entraînement avec un vidéo d'entraînement avec Vitor Belfort. J'ai vu récemment que Forrest Griffin faisait partie. Mais non, j'ai rien entendu. Point de vue, il n'a pas fait de déclaration ou quoi que ce soit. Ça reste mort le sujet. Alors, on va suivre ça, ces dénouements-là. Puis bon, le combat d'Anderson Silva, je pense, c'est pas dit, Fred, que ça peut être se livrer aussi à 205 livres ou peut-être même dans les poids lourds. On sait qu'il y a eu certaines rumeurs que Anderson Silva était pas contre l'idée d'un affrontement face à Frank Mir. Ouais, mais malheureusement à 205. Frank Mir, ça pourrait être une possibilité, mais on dirait que lui, il va affronter Cheick Kongo. Et je ne sais pas si je suis vraiment intéressé de voir Anderson Silva monter jusqu'à poids lourd. Contre Frank Mir, ça aurait été un beau duel, mais ça n'a pas beaucoup de valeur. Qu'à mi-lourd, je me dis qu'Anderson Silva pourrait peut-être un jour être champion à mi-lourd. Poids lourd, j'ai plus de misère à le croire. C'est pas pour enlever rien dans son talent. Mais j'ai de la misère à le voir compétitionner régulièrement avec des gros gars. Surtout la nouvelle génération, si on regarde les Cain Velasquez puis Brock Lesnar, c'est des gars vraiment gros et forts. Frank Mir, c'est plus un gars technique et Anderson Silva aurait peut-être réussi à rester avec lui un peu, mais j'aime pas l'idée de le voir à poids lourd. Oui, ben effectivement. Je pense que c'était peut-être juste un petit combat, là. J'ai pas l'impression qu'il veut se lancer poids lourd à jamais, parce que le pauvre Anderson Silva aurait peut-être un peu de difficulté face à des lutteurs aussi puissants qu'est Brock Lesnar, Shane Carwin et tout le reste. Mais voyons voir ce qui va advenir du futur d'Anderson Silva, qui, bon, lui, a près de 35 ans également. Il y a quelques mois, avait mentionné peut-être vouloir se retirer dans les prochaines années. Je sais pas si c'était seulement une arme pour négocier un prochain contrat, mais ben voyons voir ce qui va devenir de ça, Fred. Il est dur à suivre des fois, Anderson Silva. Il a l'air un peu bizarre. Oui, et parlez-en à Forrest Griffin, il n'a pas réussi à suivre ce combat-là. Bon, Un autre autre sujet. chose. Oui, un autre sujet cette semaine qui a passé. Je sais pas si je te disais tantôt, j'aimais beaucoup. Désolé. J'aimais beaucoup Paul Buentello. Et je sais pas si tu as entendu, mais Strike Force l'a mis à la porte cette semaine, l'a libéré de son contrat. Et il y a eu quelques déclarations un peu surprenantes de la part de Strike Force quand ça a été fait. Strike Force a affirmé qu'il comprenait que Buentello voulait pas affronter un athlète du calibre de Fedor. Et j'ai trouvé ça un petit peu un coup bas pour Paul Buentello, qui me semble quelqu'un de très respectueux et il méritait pas de se faire recevoir un jab de même. Paul Buentello, d'après qu'est-ce que je comprends, est en discussion avec l'UFC. Et pour lui, personnellement, l'UFC, c'est la grande organisation. C'est sûr qu'affronter Fedor, c'est le fun. Mais pour lui, aller à l'UFC, c'est plus grand. Alors, je suis bien content. C'est un autre combattant que j'aime bien, Paul Buentello. Oui, on a toujours besoin d'un combattant qui fait son entrée sous une musique enlevante mexicaine. Et Buentello le fait et moi, ça me convainc déjà. C'est pas un gars très athlétique, mais il frappe, il utilise ses mains, ses jambes, puis d'habitude, il a du succès avec ça. Et là, il a défait, je pense que c'était à son dernier combat, celui qu'on surnomme Baby Fedor Kirill Sidelnikov. Je pense son nom ressemble à ça, en tous les cas. Pour Affliction, il s'était livré une bagarre, puis Buentello avait dominé les trois rondes, avait remporté un bon combat. Puis Strike Force, je pense, l'ont échappé là-dessus, parce que ils ont quelques bons combattants, ça c'est sûr. Puis j'aime bien également les cartes présentées par Strike Force, puis ben, Elite XC aussi, même avant. Je pense que on offre des cartes qui peuvent se comparer au UFC à l'occasion. Ils ont de quelques bons noms, mais peut-être pas suffisamment pour faire de très belles cartes mois après mois. Et là, ils viennent peut-être de perdre un joueur intéressant. Paul Buentello, je pense, c'est pas un des meilleurs, mais d'habitude, il livre des performances intéressantes. Puis c'est un autre qui s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy. Et des belles, il y a des armes intéressantes debout au sol, ce serait peut-être plus difficile, mais il aime échanger coup pour coup à l'occasion. Il y a une technique de boxe relativement bonne et Strike Force, je pense, sont mal placés pour perdre des combattants intéressants. Oui, Dommage pour eux. et tranquillement avec tous les poids lourds que l'UFC rajoute, les nouveaux jeunes qui grossissent, Fedor va se retrouver avec beaucoup d'inconnus dans Strike Force. Une fois, Brett Rogers et Fabricio Werdum, c'est pas mauvais, mais c'est pas déjà non plus rien de super écœurant. Alors, l'UFC fait une bonne job de rebâtir son établi de poids lourds. Oui, puis mon Werdum, là, pour moi, oubliez ça, là. Il est peut-être très bon en grappling au sol, mais en MMA, à la date, là, je pense qu'il n'y a rien à faire vraiment de convaincant. Brett Rogers, oui, je pense qu'il doit avoir une fiche de 10-0 à peu près. Bon, cette victoire-là face à Andrei Arlovski, oui, c'est éclatant, mais c'est pas un Fedor, je pense. J'ai hâte de voir Fedor vraiment combattre tout le temps des gros, gros noms. Puis moi, Fedor, là, je pense et je suis persuadé qu'il a beaucoup de talent. Puis dans mon livre à moi, c'est le meilleur livre pour livre au monde. Mais c'est dommage parce que il livre pas beaucoup de combats. Puis quand il en livre, parfois, c'est contre des noms suspects. Là. Je me souviens une année, il y a peut-être 2 ans, face au géant coréen, là, Hon Choi Man, Hon Man Choi, Hon Man Choi. Hong Man Choi, ouais. Ouais, tu sais, à un moment donné, là, Fedor, j'ai hâte de le voir juste contre des gros noms et pas juste contre des grands garçons, mais avec un talent limité. Oui, c'est justement pour ça que j'aime l'UFC, parce que ça a plus la structure, la hiérarchie d'une organisation avec des classements, si on veut. Que quand on regarde le MMA au Japon et tout, c'est plus une question du spectacle qu'une question de classement, de voir qui est le meilleur. Alors, c'est sûr que les combats sont aussi bons. Un combat, c'est un combat. Mais si je regarde la hiérarchie, comment la structure de la compagnie, de la promotion, j'aime beaucoup comment l'UFC est organisée. Oui, mais le pauvre Buentello, honnêtement, là, dans le UFC, dans les poids lourds, là, je pense pas qu'il peut vraiment causer des surprises là. Face à des lutteurs, je pense qu'il n'y a aucune chance. Puis même en combat debout, là, moi je pense bon, à Cheick Kongo, entre autres, debout qui est très bon. Je pense qu'il est une coche ou même 2 coches supérieures à Paul Buentello. Tu vois, moi, j'aime beaucoup les mains à Buentello. Son dernier combat contre Baby Fedor, il l'a dominé, il l'a chirurgié tout le long. Et je suis d'accord qu'il sera jamais un champion. Puis ça, je sais qu'il y a l'amateur en moi qui parle beaucoup là. Mais je pense que Buentello peut offrir aussi des duels intéressants, que ce soit à des jeunes ou que ce soit à un gars qui a besoin d'une victoire peut-être. Alors, voir Paul Buentello pour 3-4 combats dans l'UFC, je suis vraiment content. Moi, je pense pas non plus qu'il va sortir gagnant, mais je suis content de voir un vétéran comme lui. Oui, puis moi j'ai déjà hâte de l'entendre arriver là sous un beau thème Exactement. musical mexicain. Ensuite de ça, il y a encore autre chose, hein. Je pense que tu voulais nous parler entre autres de Clay Guida puis Kenny Florian. Ouais, Clay Guida et Kenny Florian devraient s'affronter à l'UFC 107. On peut aller vite sur l'UFC 107. Ça va être le gala où il va avoir Diego Sanchez contre BJ Penn. Clay Guida contre Kenny Florian, Chuck Kongo contre Frank Mir. Ça s'annonce pour être un très beau gala, rempli d'action. C'est de valeur que ça a perdu le combat entre Rampage et Rashad, mais ça a été remplacé avec BJ et Diego. Sinon, on n'aurait jamais eu ce combat-là en finale de ce gala. Oui, et je pense au UFC 107, là, il est question d'un affrontement entre T.J. Grant et Kevin Burns. Oui. T.J. Grant, c'est un Canadien, alors je voulais le mentionner, là, c'est quand même un de nos rares Canadiens. Puis c'est un gars qui a beaucoup de talent également. Il y a deux combats dans le UFC, une victoire face à Ryo Chonan, c'était à Montréal, et puis une défaite qu'il a subie face au Coréen Don Young Kim tout récemment. À l'UFC 100, c'est ça. Oui. Oh, d'ailleurs, tu étais sur place, je pense. Oui, un très beau voyage, super voyage à Vegas. Ah oui. Vegas, c'est la plus belle ville au monde, j'ai pas peur de l'admettre. Oui, après Québec, vie. Là. Non, c'est même avant Montréal, tu vois. Alors, Clay Guida face à Kenny Florian. Honnêtement, moi, Kenny Florian, bon, je veux dire Florian, hein, ça sonne un peu mieux. Kenny Florian, ça a l'air un peu plus violent. Je l'aime pas beaucoup, c'est pas mon préféré. Il a l'air d'un garçon super sympathique, là. J'aimerais bien l'avoir comme fils, là. Il doit être un garçon parfait. Mais comme combattant, moi, je le trouve moyen, ordinaire. Clay Guida, je pense pas que c'est le plus grand talent, mais il est énergique, il met un spectacle. J'ai hâte de voir ça, qui va remporter ce combat-là. Florian, s'il veut rester parmi le top 3, 4, 5 du UFC à 155 livres, il peut pas se permettre de perdre. Alors que Clay Guida, une ou deux autres victoires consécutives, puis peut-être qu'il aura sa chance pour se faire démolir par BJ Penn. Oui, c'est ça. Ça prouve encore une fois combien de talent qu'il y a à 155 livres. Si on continue à 155 livres, il y a Frankie Edgar et Kurt Pellegrino aussi qui s'affronteraient, eux autres, à la finale justement de la prochaine saison de The Ultimate Fighter. Le gala final, j'essaie de me rappeler pour être sûr, il me semble que c'est le 5 décembre. Et Frankie Edgar contre Kurt Pellegrino sera un des combats qu'on va voir là, en plus de la finale, les deux finalistes de la série de télé-réalité. Et aussi, on va voir ce soir-là, Matt Hamill contre John Jones. Je pense que t'aimes beaucoup John Jones, toi. Oui, je l'aime. Ben, je l'aime beaucoup, mais je l'ai pas vu dans tous ses combats. Je l'ai vu surtout face à Stéphane Bonnard. Puis, il m'avait renversé, puis il avait renversé également Stéphane Bonnard à plusieurs reprises. Il a des projections fabuleuses. C'est un lutteur gréco-romaine et il a une technique vraiment pas comme les autres pour renverser ses adversaires. Debout également, il a des coups de pied particuliers. C'est pas la technique parfaite, mais c'est spectaculaire, c'est efficace. Face à Matt Hamill, par contre, c'est peut-être un peu rapide pour lui. Matt Hamill, c'est un gros lutteur, puis il encaisse comme peu de combattants. Là. Je me souviens d'avoir vu manger des coups de genoux en pleine face, puis avoir la lèvre fendue jusqu'au menton, mais rester là. Hamill, il a la tête très dure. C'est un excellent lutteur. Il a une main droite très lourde. Il a pas peur. Il rentre toujours sur son adversaire. Ça sera pas un combat facile pour John Jones, qui d'ailleurs maintenant est rentré dans l'équipe de Georges St-Pierre au Tristan, puis même avec Greg Jackson également. Là, je pense qu'il est entouré d'une meilleure équipe et son talent va juste pouvoir s'épanouir davantage, lui qui n'a à peine que 22 ou 21 ans. Oui, exactement. Et parlant de l'équipe de Greg Jackson, tu parles de John Jones, mais il y a aussi Clay Guida qui s'est rajouté dans les derniers séjours, il me semble. Alors, l'équipe de Greg Jackson, qui avait récemment aussi rajouté Joe Stevenson, qui a déjà Nate Marquardt, Rashad Evans, Georges St-Pierre, Shane Carwin, il s'agit vraiment d'une très belle équipe de MMA qui arrête pas de grandir. C'est un peu de valeur qu'il y ait tellement de talent sous le même toit parce que ça peut enlever des futurs combats. Mais ça, en même temps, ça donne les meilleurs partenaires d'entraînement disponibles pour notre Québécois Georges St-Pierre. Alors, on est bien content. Puis je pense qu'il y a même Caro Parisienne également. Peux-tu, est-ce que je me trompe? Je suis pas sûr s'il est à temps plein. Je sais qu'il est déjà venu pour faire... Il est venu à Montréal, il me semble, en même temps que Kenny Florian, où il planifiait venir. Souvent les équipes de MMA, parce que, par exemple, d'après ce que je comprends, Nate Marquardt et Shane Carwin, ils s'entraînent principalement eux autres à Denver, au Colorado, Greg Jackson au Nouveau-Mexique, et bien sûr, ils voyagent tous un chez l'autre quand quelqu'un a un combat. Si Georges St-Pierre a un combat, il y en a plusieurs qui vont monter à Montréal, Georges St-Pierre va aller faire un tour au Nouveau-Mexique, et c'est pareil avec Nate Marquardt, avec Rashad Evans, ils sont un peu partout. Je sais qu'il y en a à Denver, comme je dis, Marquardt et Carwin, eux autres sont à Denver, je sais. Oui, puis il y a également, bon, j'en ai parlé quelques reprises au cours de l'émission, je parlais d'Antonio, le 205 livres Nogueira. Je me trompe toujours, Rodrigo, Rogerio. Rogerio. Okay. Alors, Rogerio a 205 livres, qui fera son entrée dans le UFC et probablement face à Louise Arthur Kane. Oui, Louise Kane, c'est un très beau prospect, je pense. Ça va donner un bon combat, on va voir. Moi, Antonio Rogerio Nogueira a une belle fiche. Il a connu la victoire contre quelques combattants de renommée. Mais il me paraît un peu mou. Peut-être que son jiu-jitsu peut rattraper ça, mais il me semble manquer un peu de force à 205 livres dans l'UFC. Je vois beaucoup de gars qui me semblent plus forts que lui. Louis Arthur Kane, comme je dis, lui, il m'impressionne beaucoup. Il est très fort, très agressif. Puis j'y vois un très bel avenir à Louis Arthur Kane. D'après moi, Louis Arthur Kane va gagner ce combat-là. On nous dit que ça serait ou bien à l'UFC 105 ou 106. Oh, alors, oh, il y a de l'audace, Fred. Moi, j'ai l'impression que Nogueira va remporter ce combat-là. Nogueira, bon, c'est le frère de jumeau de celui qu'on voit là dans l'UFC poids lourd depuis un peu plus d'un an, qui a eu tout un combat face à Randy Couture récemment. Et le Nogueira, 205 livres, je pense, a une meilleure boxe que son frère. A peut-être pas un judo aussi bon que son frère un peu plus lourd, mais au sol, il est au moins aussi fort que son frère. Alors, c'était une nouvelle arme pour le UFC à 205 livres, qui est déjà, d'après moi, la catégorie la plus relevée du UFC. Et là, avec Nogueira qui se rajoute à ça. Puis, ce que j'aime, c'est que bon, à 205 livres, il y a beaucoup de bons combattants, mais c'est beaucoup d'excellents lutteurs surtout. Bon, on n'a qu'à penser à Rashad Evans et bien d'autres combattants. Mais là, on a un gars avec un style un peu plus différent, puis excellent au sol. Puis j'ai l'impression assez facilement, je pense que je peux dire que Nogueira, c'est le meilleur au sol à 205 livres. On va voir. Je le vois pas aussi haut. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Rodrigo dans les poids lourds. Son frère, le parcours, il est un peu différent, alors j'espère qu'il va me convaincre. J'y souhaite bonne chance, bien sûr. Oh, je pense qu'il y a une autre nouvelle que tu veux nous faire mention, ou peut-être plus, il y aurait Bob Sapp, hein, je pense, Fred. Ouais, ben peut-être une petite mention vite, parce que Bob Sapp est peut-être pas vraiment un combattant MMA, autant qu'il est une marionnette au Japon. Mais Bob Sapp va remplacer Jigar Musashi dans le combat au gala Sengoku pour le tournoi Super Hulk, le gala Dream. Pour le tournoi Super Hulk qui avait mis en vedette Jose Canseco il y a quelques mois et avait mis un paquet de combats contre des géants, contre des tout-petits. Alors, Jigar Musashi il s'est blessé dans son combat contre Fedor Emelianenko et il a dû se retirer. Alors, Bob Sapp va le remplacer, il va affronter Sokuju, ce qui est très de valeur selon moi parce que ça enlève un des meilleurs combats qu'il y avait vraiment cette soirée-là entre Sokuju et Musashi. Même si Sokuju n'a pas eu la meilleure carrière que ça dans l'UFC, c'est quand même plus un vrai combattant que Bob Sapp. Oui, et là, c'est le comble du ridicule, le combat exhibition sans aucun but, sinon que de vendre peut-être plus de billets pour l'organisation M1 globale entre Fedor et bon, son ami et partenaire de travail, Gérard Mousasi. Ben, ça a causé une blessure à notre ami Gérard, qui ne pourra pas disputer la victoire face à Sokoju. Ben, c'est ça, hein. Je pense que moi, je suis contre ce genre de combat là, exhibition là où on se bat pour le fun. On peut pas se battre pour le fun en MMA. Puis je pense que cet incident-là le prouve. Et là, on a Bob Sapp, le gros garçon pas très talentueux, qui, je pense, ça lui tente plus tant que ça de se battre dans ses deux derniers combats. A tapé assez rapidement. Je me souviens face à Ikuiza Minowa, alors que Minowa doit être la moitié du poids de Bob Sapp, a réussi à lui faire une clé de cheville, puis Bob Sapp a tapé comme un enfant d'école, puis il a refait la même chose face au gros Bobby Lashley. Lashley l'a amené au sol, puis en ground and pound, et Bob Sapp, c'est pas le genre de gars qui a manqué ici tant que ça, et il a tapé rapidement. Et ce gars-là, Super Hulk du Dream, C'est un peu ridicule, mais on aime ça quand même, voir des gars par rapport se battre l'un et l'autre, comme José Canseco, idole de jeunesse, frappeur à coup de circuit, qui a eu tellement de succès avec les A's d'Oakland, mais après ça, on s'est aperçu qu'il avait les mains dans la jarre à bonbons, puis ça se piquait à outrance, ce garçon-là, c'est pour ça qu'il avait une musculature aussi impressionnante, qu'il frappait des coups de circuit comme il le désirait. Et on l'a vu, sa prestation dans le Dream où c'est un peu bizarre ce genre de combat-là, mais les Japonais nous surprennent toujours d'événement en événement. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Moi, personnellement, j'aime regarder un combat, mais l'UFC, pour moi, est la vraie ligue, justement parce qu'il y a une vraie structure hiérarchique où on voit le champion. Si on veut, on peut comparer l'UFC à d'autres sports où c'est seul, comme le tennis ou de quoi. Alors, on peut, sans avoir des points, avoir une idée de qui est les meilleurs. Qu'au Japon, ils recherchent juste à donner le spectacle, ce qui n'est pas mauvais parce que les amateurs, c'est important qu'il y ait un spectacle, mais ça me dérange pas, moi, d'avoir un combat peut-être avec un peu moins de flashy autour, mais que c'est plus sérieux. Oui, et puis ben, justement qu'on en vient un peu là-dessus, Fred, il y a eu un sondage sur MMAnouvelle.com. Qui voulez-vous le plus dans le UFC à part Fedor Emelianenko? Et on peut s'apercevoir que c'est Gérard qui remporte la palme. Fred, es-tu surpris de ça? Oui, ben non, je suis pas surpris du tout parce que c'est sûrement le meilleur après Fedor. C'est Gegard en passant. Gegard. Gegard Mousasi, il a remporté son dernier combat contre Renato Babalu Sobral. C'était au gala. Strike Force, assez expéditif en Oui, plus. exactement, exactement. Ça n'avait pas pris de temps. Et moi, j'aime beaucoup Mousasi, très jeune. Et tu vois, on parlait un peu de performance, disons, de drogue. Tu as touché relativement au sujet. Si on regarde Mousasi, récemment, il a fait plusieurs commentaires sur Paulo Filho, qui lui s'est fait prendre par des tests de stéroïdes. Et on regarde Mousasi, c'est pas un corps qu'on dirait qui prend des stéroïdes. Alors, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai du respect pour comment qui se projette, le fait qu'il est humble, beaucoup de respect pour son talent. Mousasi dans l'UFC, ce serait vraiment une très belle acquisition pour Dana White et les Fertitta. Oui, effectivement. Moi, j'aurais peut-être voté pour Shinya Aoki, vois-tu, parce qu'il a pas récolté beaucoup de votes, là, 4% seulement, mais Aoki, il me semble qu'à 155 livres dans le UFC, on a besoin de combattants différents. Puis Shinya Aoki, il est vraiment différent, pas juste avec ses culottes fluo, pas très viril, là, mais avec son style de combattant également, un expert en soumission. Moi, j'aimerais bien le voir. Ce qu'il peut faire face à des combattants, des experts en lutte dans la catégorie des 155 livres du UFC. J'aimerais bien voir ce japonais-là, Shinya Aoki. Puis il y en a d'autres noms là, assez intéressants qui étaient proposés. On pense à Nick Diaz, évidemment. Mais moi, Nick, je l'aime bien pour Strike Force. Je pense que c'est important qu'il y ait d'autres organisations qui puissent avoir des bons combattants pour offrir de la compétition au UFC. Et ça va aider les combattants également. Aller chercher peut-être des contrats un peu plus intéressants, parce que si le UFC a le monopole, évidemment, c'est pas nécessairement intéressant pour les combattants. Alors moi, je pense qu'on a besoin d'avoir d'autres organisations qui puissent évoluer côte à côte au UFC. Alistair Overeem, ça, c'est un poids lourd qui m'intéresse parce que spectaculaire. Moi, je compare un peu Andrei Arlovski, mais avec des genoux encore plus rapides et plus spectaculaires. Bon, Joakim Hansen et Eddie Alvarez, pour moi, c'est un petit peu moins intéressant. Je pense que c'est des gars qui ont du succès au Japon, mais je suis pas sûr qu'ici, il y en aurait tant. Alvarez, je pense, a eu du succès également au Belafort, la nouvelle organisation dont les événements se déroulent sous forme de tournoi. Puis Jake Shields, évidemment, ça me surprend de voir avec seulement qu'un pour cent. Jake Shields, quand même, qui a beaucoup de succès dernièrement. Et puis, à 170 livres, on a besoin de quelqu'un qui peut peut-être, à un moment donné, offrir de l'opposition à George. Et puis là, George est en train de clairer l'entièreté de la liste des 170 livres du UFC. Alors, Jake Shields, il me semble, ça aurait été un nom intéressant. Oui, vu qu'on parle de Georges, je vais juste te sortir un nom. J'ai le goût de savoir ton opinion dessus. Il est encore très jeune, mais c'est un gars que j'aime beaucoup à 170 livres. C'est Anthony Johnson. Hey, je t'ai vu. Ouais, moi aussi, honnêtement, hein, regarde, Fred, je suis content que tu me parles de lui. J'avais son nom en tête. Moi aussi, depuis quelques mois, je me dis que s'il y en a un, peut-être qu'à un moment donné, à 170 livres, à l'heure actuelle, dans le UFC, qui peut offrir de l'opposition à George, c'est lui parce qu'il est grand, il est gros, il est fort, c'est un bon lutteur également. Debout, il est capable d'échanger. Je pense qu'il y a eu quelques peut-être pas un petit problème hors de l'octogone là, dernièrement, par contre, mais c'est un gars, il me semble, beaucoup plus gros physiquement que George, peut-être même plus grand. Ça pourrait être un adversaire de taille pour George, ça. Oui, je pense qu'il est même plus gros, genre, que Thiago Alves. Il perd à peu près 30 livres, il me semble, Anthony Johnson, avant la pesée. Et c'est justement un de ceux qui perd le plus de poids à 170 livres. Son prochain combat, c'est contre... Est-ce que c'est contre Don Young Kim? Non, il me semble que Anthony Johnson était supposé de se battre au UFC Fight Night ce mercredi. Et il a été remplacé à cause d'une blessure. Faut je vérifie pour être sûr, là, mais il s'est blessé. Il me semble qu'il n'y a rien de prévu pour le moment pour Anthony Johnson. Ah, OK. J'avais en tête peut-être un affrontement face à Don Young Kim, mais je peux être dans le champ, ça m'arrive assez vite. Don Young Kim affronte Dan Hardy, l'anglais, à l'UFC. Oui, c'est vrai. 105. C'est vrai. Ah, effectivement. Alors, je sais. Alors, je sais pas ce qui va devenir de notre ami Anthony Johnson, mais je pense qu'il faut le surveiller. Je pense qu'il y a peut-être une fiche qui peut ressembler à 7-1, 7-2. Je pense qu'il y a une défaite face à Anthony Burns, mais c'est suite à un doigt dans l'œil. C'était vraiment un incident malheureux, puis il a pris sa revanche par après. C'est un gars, je pense, qu'on se doit de suivre s'il y a de l'assiduité au travail. Ce sera peut-être un gars qui va relever la qualité des 170 livres du UFC. Oui, exactement, exactement. Si on passe sur un autre sujet, peut-être je voulais parler aussi de Sean Sherk. Sean Sherk, il s'est retiré récemment de son combat à l'UFC 104. Et après qu'il s'est retiré, il y avait eu beaucoup de spéculations comme quoi qu'il aurait peut-être essayé de se trouver une blessure à cause qu'il voulait éviter un test antidopage. Sean Sherk, on le sait, s'est fait prendre dans le passé. Justement, le combat à l'UFC 104 aurait été en Californie. C'est l'endroit où Sean Sherk s'est fait prendre. Mais pour sa défense, il a fait sortir les résultats de sa résonance magnétique. Alors, si on croit son docteur, il faut croire Sean Sherk. Wow, on va le croire sur parole, Sean et Sean, qui est un bon combattant de 155 livres. Je pense qu'il vient de perdre face à Frankie Edgar, mais c'est un bon vieux vétéran, puis peut-être qu'on le reverra. Et moi, je me suis trompé, c'était pas face à Don Young Kim, son prochain adversaire. Je pense qu'il est prévu pour le UFC 104. C'est un autre Asiatique, mais ce serait Yoshiyuki Yoshida. Oui, t'as raison. Alors, je sais pas si ça... Mais j'espère que ça va arriver. Puis UFC 104, moi, j'ai hâte de voir ça parce qu'il y a mon préféré qui va être là, Lyoto Machida. Mais Yoshiyuki Yoshida également, face à notre ami Johnson, ça peut être intéressant. C'est un bon judoka, Yoshida. On va pouvoir voir un peu plus l'étendue du talent de Anthony Johnson. Oui, exactement. Ça va vraiment être un bon combat, je pense bien. Est-ce que c'est pas mal tout pour les rumeurs sur le UFC? Oui, je pense qu'on peut passer au MMA local. Là. C'est toi l'expert sur le sujet, alors vas-y, informe-nous sur ce qui se passe au Québec. Oui, mais malheureusement, je suis pas un grand expert sur ce qui se passe au Québec, mais j'essaie d'en apprendre un peu plus. Mon ancien partenaire de travail était un expert, puis il m'a initié un peu à tout ça. Alors, j'espère pouvoir offrir quand même du matériel intéressant. Et là, il y a l'organisation Ringside qui revient, Frédéric. Ce sera un troisième événement. Un premier qui avait été organisé là, rapidement, je pense à une ou deux semaines d'avis. Puis là, il y a XMMA. Avait été contraint à annuler l'événement qui était prévu. Et puis Ringside est arrivé là comme ça. Puis à grande surprise, quelques jours, c'était fait. On a organisé un événement. Ça s'était bien déroulé. Le deuxième événement, somme toute mineur. Il n'y avait pas vraiment de gros combats. Mais quand même, il y a eu quelques combats intéressants. Dont un combat entre Chris Boisvert qui s'entraîne avec Team Bergeron à Drummondville face à Kevin Morin de l'équipe de Steve Claveau de Victoriaville. On sait que les deux clans ont une certaine animosité et c'était un bon combat et malheureusement, comme Plusieurs événements ont été marqués par une erreur. Ben, au Québec, ça se passe comme ça, malheureusement, parce que la régie n'est pas très forte. Puis, bon, ce combat-là s'était terminé par une victoire de Kevin Morin, mais suite à une mauvaise décision de l'avis d'à peu près tout le monde, là, même de l'équipe de Kevin Morin, une mauvaise décision de l'arbitre Jerry Bolin, qui avait disqualifié Chris Boisvert suite à un coup de pied illégal, alors que bon, Boisvert, je pense qu'il était au sol et avait asséné un coup de pied à son adversaire. Mais bon, tout le monde était d'accord pour penser que c'était une erreur de jugement de Jerry Bolin. Mais là, on est de retour et ça va se dérouler ce 19 septembre prochain au centre Claude Robillard de Montréal. Et le combat final sera opposé Steve de Boss Bossé, qui est très bien apprécié des amateurs québécois, face à Greg Brown. Steve Bossé, bon, c'est un joueur de la ligne nord-américaine de hockey. Je ne sais pas si elle s'appelle encore comme ça. Ça s'est appelé semi-pro. Ça change de nom assez régulièrement. Mais c'est la ligne où il y a des joueurs de hockey qui mettent des patins puis prennent des bâtons, mais sous un prétexte, dans le fond, c'est pour se battre. Alors, Steve Bossé, c'est l'un des meilleurs sur patins pour se battre. Et en MMA, jusqu'à maintenant, c'est pas si vilain que ça. Il a une fiche de 5 victoires et une défaite face à Greg Brown, que honnêtement, je connais pas beaucoup. Mais je peux vous dire qu'il a une fiche de 6 victoires et une défaite. Sa défaite, c'était pas contre n'importe qui, c'était face à Travis Galbraith. C'est un gars assez expérimenté, qui est pas mauvais dans son genre. Alors, voyons voir ce que Bossé va pouvoir faire face à Greg Brown. Bossé, petit à petit, je pense qu'on va le voir dans des combats de plus en plus significatifs. Lui, qui à son dernier combat avait défait un Yann Pellerin qui s'était présenté pas en très grande forme, un petit peu grassouillet, même je dirais, c'était proche d'être disgracieux l'apparence de Yann Pellerin. Alors, je ne sais pas si toi ça t'excite beaucoup, Steve Bossé, Frédéric. Je vais être honnête, j'étais un grand fan de TKO. J'ai assisté à quelques galas. J'étais un bon fan de XMMA. J'ai pas encore assisté à un ringside. Pour ce qui est de Steve Bossé, ben, je suis bien content. Je suis autant content que les joueurs de la NFL qui s'essaient que lui, il s'essaye. Mais je mets pas l'attention que certains autres peuvent mettre sur ça, là. C'est pas aussi important à mes yeux. Oui, ben j'ai bien hâte de voir ça. Puis apparemment, Steve Bossé, qui a été contesté par plusieurs là, à son arrivée dans le monde du MMA, mais apparemment, il a fait ses devoirs, s'entraîne très fort au sol, en lutte debout. Et bon, debout, s'entraîne avec le clan de Yann Bergeron, qui, je pense, est peut-être une des meilleures écoles à Drummondville puis au Québec en kickboxing. S'entraîne avec BTT Canada et Fabio Holanda pour son sol. Va devenir un combattant complet. On va peut-être voir ça. Ben, faut dire que Bossy a déjà soumis quand même Wes Sims, un vétéran du UFC. C'est pas peu dire. Il a lui aussi subi qu'une seule défaite. Bossy, c'était face à Icho Larenas. Oui, Alors. comme je dis, je suis bien content pour un jeune. C'est pas une critique envers Bossé, c'est juste plus une critique, si on veut, envers les promoteurs qui utilisent son nom, je trouve, un peu trop facilement, peut-être, c'est juste ça. Ouais, bah c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement, des fois. Mais là, de plus en plus, je pense que Steve Bossé est allé chercher une crédibilité qu'il n'avait peut-être pas au départ. On avait misé là-dessus, puis ça l'avait vexé plusieurs combattants qui, bon, à l'époque, quand même, s'entraînaient juste pour ça, faire du MMA, et puis de voir un gars qui avait, bon, des habiletés pour se battre sur une patinoire, mais pas nécessairement dans un octogone ou un ring. Ça l'avait vexé plusieurs, mais là, je pense que Bossé a fait ses devoirs. Maintenant, comme co-main event, deuxième combat principal, on aurait Thierry Kenville qui s'entraîne au Tristar avec bon Stéphane Vigneault, Georges Saint-Pierre, puis plusieurs autres noms, devrait affronter Paul Reed, qui est un gars que je ne connais absolument pas. Alors, voyons voir comment ça va se dérouler ce combat-là. Kenville, c'est pas un mauvais gars. Oui, je me rappelle justement de son dernier combat à XMMA, ça se peut-tu? Oui, XMMA 7, c'était face à un gars qui s'appelle Douglas Evans. Il avait remporté Kenville par clé de bras. C'était un bon combat bien partagé. Douglas Evans, je pense qu'il avait livré un combat là dans les UFC également. C'était pas un bon. Kenville, il se bat à quel poids? Je sais pas. 155 livres habituellement. OK, il n'y avait pas eu des rumeurs, peut-être qu'il se joindrait peut-être à la WEC suivant ce combat-là, il me semble, ou... Ah, j'ai pas ça en mémoire, Frédéric, mais c'est possible qu'Anneville quand même peut jouer probablement descendre de poids facilement. Là. Il fait que 5 pieds et 7. Alors, d'après moi, 145 livres, c'est assez facile pour lui. D'ailleurs, avant ça, au TKO 35, il avait affronté Atsuhiyoki, ce japonais-là qui a beaucoup de succès au Japon, puis qui était champion du TKO. Canville avait commencé le combat en force, puis même certains pensaient peut-être que Canville pourrait causer la surprise, mais malheureusement pour lui, il avait été soumis par triangle, par un étranglement triangulaire par le japonais. Mais Canville, il est bon au sol, peut causer des surprises, mais là, face à Paul Reed, je peux pas vous dire rien sur Paul Reed, je le connais pas pantoute. Apparemment, c'est un Anglais, et il a une fiche de 10 victoires et 3 défaites. Oui, moi, comme j'ai dit au début, j'ai beaucoup aimé son dernier combat, alors j'espère voir une autre victoire de Canville. Oui, évidemment, un Québécois, on va mettre notre argent sur lui. Mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de changements dans cette carte-là, parce que bon, des fois dans les événements comme ça, il peut y avoir quelques changements là, quelques jours précédant l'événement. Et là, je suis content de voir le retour de Guillaume de Lorenzi, habitant de la plus belle ville au monde, soit Québec. Guillaume de Lorenzi qui s'entraîne avec le Nordic Fight Club et le coach en chef Danny Laflamme. De Lorenzi, 5 victoires, une seule défaite. Malheureusement pour lui, sa défaite, c'était à son dernier combat. À l'événement XMMA 7, il était supposé affronter Phil Baroni cette journée-là. Baroni, je pense, a eu la chance d'aller dans Strike Force. Et bon, évidemment, bye-bye Baroni. Qui est arrivé? Un gars qui s'appelle Joey Coppenover, mais qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant War Machine et qui a remporté la victoire face à De Lorenzi par étranglement arrière. Bien que De Lorenzi avait quand même réussi quelques manœuvres intéressantes dans l'entame du combat, et bon, par la suite, War Machine peut-être un peu plus fort physiquement que De Lorenzi a su aller chercher cette victoire-là. Mais là, De Lorenzi, je pense, a pris une sage décision, va descendre dans la catégorie des 155 livres, et puis là, risque d'être encore un peu plus dangereux. Il sera opposé à un gars qui nous vient de Winnipeg, du nom de Lindsay Out. 4 victoires et 2 défaites. Et encore une fois, bon, c'est pas un gars que je connais bien. Il n'a pas combattu nécessairement au Québec. Alors, voyons voir ce que De Lorenzi va pouvoir faire face à Lindsay Out. Oui, c'est sûr, il faut garder un œil sur Guillaume. C'est un bon jeune. Je me rappelle justement quand il avait pris le combat contre War Machine. Quand j'avais entendu la nouvelle, je me disais que c'était peut-être pas une bonne décision parce que Phil Baroni est un combattant différent. Et prendre un combat à dernière minute contre War Machine, je me demandais justement si Guillaume aurait eu la préparation adéquate. J'espère le voir. Guillaume est très fort. Alors, à 155 livres, d'après moi, il va être encore plus dominant. Et c'est un des beaux talents au Québec, il faut le suivre, ça c'est sûr. Oui, effectivement. Suite à ce combat-là face à War Machine, il avait été blessé au genou aussi. Je me souviens d'avoir parlé avec Johan Ovington du Nordic Fight Club. Puis bon, suite à ça de Lorenzi, peut-être a repris l'entraînement un peu plus tard que prévu. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais là, je pense qu'il est revenu en feu. Et puis là, il est affamé. Et si tout va bien pour lui, il y a un autre combat qui s'en vient rapidement pour lui au mois d'octobre dans la toute nouvelle organisation québécoise, MFL. Alors, deux combats en 2 mois, pourquoi pas? De Lorenzi veut revenir en feu. Hawks sera-t-il sa première victime de ce retour qu'on prévoit flamboyant? On le souhaite pour Guillaume De Lorenzi, un garçon sympathique et spectaculaire également dans ses combats, surtout quand il gagne, mais même face à War Machine, De Lorenzi a bien performé quand même. Oui, c'était Par un la suite. très beau combat, sans joke. Oui. Hein? Rowan Cunningham. Oui, 6 victoires, 2 défaites, dont toutes ces victoires grâce à des soumissions. Il sera opposé à Monsieur Jiu-Jitsu brésilien au Canada, Fabio Holanda de BTT Canada. Il y a l'équipe de BJJ Québec également ici là dans la région de Québec qui ce sont des élèves de Fabio Holanda. Alors Fabio Holanda vraiment c'est Monsieur Jiu-Jitsu brésilien ici au Québec. Il a une fiche pas nécessairement spectaculaire, 5 victoires pour 5 défaites. mais évidemment très dangereux au sol. 4 de ses 5 victoires suite à des soumissions. Alors, ça peut être un combat intéressant entre Fabio Holanda et Rowan Cunningham. Encore malheureusement, je ne le connais pas, mais quand même, il a 6 victoires, dont 6 par soumission. On peut penser que sa force est au sol. Et Fabio Holanda, évidemment, là, au sol, c'est l'un des meilleurs. Alors, ça peut être un combat. Pour ceux qui aiment les combats au sol technique, sur papier, ça me semble être un combat qui peut être très intéressant. On sait que, ben, il y a eu quelques démêlés peut-être entre Fabio et Georges St-Pierre, puisque Fabio, lors de la préparation du combat entre Georges et le Thiago Alves, Fabio Holanda est allé donner un petit coup de main à notre ami Thiago Alves, ce qui a déplu à plusieurs combattants québécois. Et bon, les gars proches de Georges également, puisque bon, Fabio également était supposé, en tout cas, Georges le considérait comme un ami et bon, n'avait pas nécessairement apprécié ce geste-là. Par la suite, Stéphane Bernadel d'Ottawa va affronter Eugenio Carpine de BTT Canada également. Alors que du côté de Bernadel, on a une fiche de 3 victoires et une défaite. Et Eugenio Carpine, 3 victoires et 2 défaites. Son dernier combat, c'était une défaite face à Mitch Gagnon par soumission. Étranglement arrière, Carpine, même s'il s'entraîne avec BTT Canada, je pense que sa force est debout. D'ailleurs, ses 3 victoires ont été acquises suite à des KO ou TKO. Mais on peut penser qu'avec bon, plus d'expérience que Carpini va prendre, et puis meilleur il va être au sol puisqu'il s'entraîne avec Fabio Holanda. Alors de plus en plus, on peut penser que Eugenio Carpini va devenir un combattant complet. Par la suite, je vais un peu plus rapidement parce que là, ce sont des combattants qui ont à peu près pratiquement pas d'expérience. Stéphane Pelletier, qui s'entraîne au club Duvaldo, ça c'est à Val d'Or, dans le coin de l'Abitibi. Un coin éloigné où on pense qu'il y a juste des insectes qui vivent par là. Non, il y a autre chose. Il y a Stéphane Pelletier. Puis je l'ai vu à une reprise. Ce sera, je pense, son premier combat professionnel. Mais je l'ai vu dans un combat amateur ici à Québec, dans un gala organisé par le Nordic Fight Club, du nom de Ring Extreme. Et Stéphane Pelletier m'avait vraiment beaucoup impressionné, au sol, notamment. C'est un gars de judo, mais qui est pas mauvais en jiu-jitsu, puis il a tenté des belles manœuvres de soumission. Alors j'ai bien hâte de voir ce que Stéphane Petit va pouvoir faire face à l'élève de Yann Bergeron, Pierrot Marcoux, bon, qui s'entraîne avec Yann Bergeron. On peut soupçonner des forces en lui en kickboxing notamment, mais doit travailler son sol, je pense, avec Stéphane Vigneault qui fait un petit tour du côté du team Bergeron. Alors on peut penser que ça peut être un combat intéressant entre à peu près deux vertes recrues. Pelletier n'a pas d'expérience professionnelle, je pense, alors que Pierrot Marcoux a un combat professionnel et c'était à l'événement Ringside MMA de Comeback en 2009 où Marcoux avait été chercher la victoire par soumission contre Steven Lemmy. Par la suite, Jérémy Gagnon, Team Shredder, ça c'est à Sudbury en Ontario. Il affronte un autre gars du clan de Yann Bergeron, Régent Groulx. C'est un premier combat, je pense, pour Jérémy Gagnon, alors que Régent Groulx a un combat d'expérience, une victoire par soumission face à Greg Carpenter. Jeff Sharkey, tant qu'à lui, va être opposé à Lee Villeneuve. D'accord, ça c'est de tout jeunes hommes. Nick Aiello face à Bruno Lurette, deux jeunes hommes également. Du côté de Lurette, il s'entraîne avec l'équipe de Firas Zahabi. Alors, on peut d'habitude que les combattants de Firas Zahabi ont un bon niveau. Alors que Nick Aiello, sur la fiche qu'on me donne, s'entraînait avec l'équipe de Extreme Couture, mais à Toronto, donc le clan de Sean Tompkins, des combattants de Sean Tompkins, qui ont toujours eu du succès dans les organisations québécoises. On n'a qu'à penser à Sam Stout et à Mark de Machine Homenic. Chris Clement également, qui vient de faire un retour également fructueux, sont trois gars du clan de Sean Tompkins qui ont toujours bien fait au Québec. Par la suite, et là, je vais pas vous embêter, c'est le dernier combat de cette soirée-là, le premier qui va sûrement se dérouler en ordre chronologique entre deux nouveaux, Sean Torrent face à Guillaume Fortier. En fait, Torrent a un combat professionnel, c'était une défaite face à William Romero par soumission et étranglement triangulaire. Guillaume Fortier, c'était un autre gars du Nordic Fight Club. Alors, il y aura lui et Guillaume de Lorenzi pour représenter la ville de Québec lors de cet événement-là. Guillaume Fortier en sera à son premier combat professionnel en amateur. Et là, c'est une fiche que je vous donne et c'est pas nécessairement sa fiche officielle, là, mais il aurait une fiche de 5 victoires, 2 défaites et un combat nul en amateur. Je me souviens de l'avoir vu face à Louis-Philippe Gauthier, un gars qui s'entraîne avec François Philibot ici à Québec, un autre gars de Québec. Et bon, Fortier avait perdu. Mais quand même, c'est un gars avec un bon potentiel, ce Guillaume Fortier-là. Autour de 150-145 livres, 5 pieds 7, 5 pieds 8, pas beaucoup plus. Ce sera son entrée en la matière dans le monde professionnel du MMA. Voyons voir ce qu'il va pouvoir faire. Oui, j'avais une question pour toi. Vu que j'ai jamais assisté à un gala ringside, je me demandais, est-ce qu'il se déroule dans un ring ou dans une cage? C'est une bonne question, mais c'est dans une cage, mais honnêtement, je suis jamais allé live non plus, mais les gens peuvent suivre ça sur RDS. Tu sais que maintenant, c'est présenté sur RDS, on présente les événements, bon, pas en direct, mais c'est animé par Martin Lemay. Okay. C'est un gars qui travaille assez cassé, puis je trouve que en couverture média là, des gros médias montréalais, pas mal le meilleur pour couvrir le MMA, Martin Lemay sur ses KC, il en parle assez régulièrement, c'est lui qui anime ça, et puis à la description, vous avez quand même nul autre que Yves Lavigne. Alors c'est une équipe de choc, je pense, qui font du bon travail pour présenter des combats du ringside. Vous pouvez suivre ça sur RDS, entre peut-être un championnat de dart et un tournoi de poker. Oui, c'est il faut supporter notre MMA local, c'est les prochaines stars. Et en plus, il y a du beau talent avec De Laurenti et Kenville. Je trouve juste ces deux-là, c'est des beaux jeunes combattants au Québec qui ont beaucoup de talent et qui sont impressionnants, intéressants, avec beaucoup d'action dans leur combat. Oui, puis écoutez, au Québec, on a Georges Saint-Pierre qui est probablement l'un des meilleurs livre pour livre au monde. On a David Loiseau qui a du talent comme c'est pas possible. Bon, malheureusement, dans les dernières années, puis même durant sa carrière, n'a pas réussi à concrétiser tout ça dans chacun de ses combats. Mais il y a tellement de talent, ce David Loiseau-là. Puis il est pas très vieux, là. Il a encore le temps de revenir au sommet de son art. Il y en a d'autres. Jonathan Goulet, encore un combattant du UFC. Il a fait des combats un peu partout. Il a fait des combats pour TKO, je pense, également. Jonathan Goulet, c'est un véritable guerrier. Je sais qu'il était supposé faire un combat récemment, mais bon, suite à une blessure, a pas pu disputer ce combat-là face à Dong Hyun Kim. Mais souhaitons que son coude va se rétablir rapidement et qu'il pourra faire un retour. Mais c'est un autre combattant québécois qui a eu du succès. On peut penser à Steve Vigneault, un des pionniers. Son jeune frère Stéphane Vigneault, c'est un gars vraiment là incroyable à recevoir en entrevue. Un gars qui adore son sport. Et c'est un technicien au sol également, doué. Des Québécois, puis là j'en oublie, là, puis je veux pas m'éloigner plus parce que je vais en oublier quand même, puis je veux pas vexer personne, mais il y a des gars, des Québécois très talentueux qui s'en viennent et qui sont même déjà en place dans le milieu du MMA professionnel. Oui, exactement. Alors, avec tout ça, là, il nous reste quelques sujets encore à vous parler, puis ça nous fait déjà quand même une heure et plus. Alors, j'espère que vous appréciez l'émission. Puis on vous rappelle qu'on est toujours ouvert à vos opinions, commentaires, plaintes, n'importe quoi, propositions indécentes et pourquoi pas. Alors, sur la scène québécoise, il y a autre chose qui se sont déroulées dans les dernières semaines. Je veux juste mentionner qu'il y avait un événement organisé par l'équipe de Yann Bergeron. Ça a eu lieu ça ce 6 septembre passé. Je pense que c'était un dimanche. On organisait ça en plein air et ils ont été chanceux. Il a fait très beau. Et des combats et en boxe et en kickboxing et en low kick également, qui est comme du kickboxing, mais là on a le droit de frapper également sous la ceinture. Alors c'est un événement, je pense que il a été apprécié des partisans et en finale, on a eu droit à une victoire de Jonathan Léveillé qui s'entraîne évidemment avec l'équipe de Yann Bergeron sur Mike Clark par KO. Mike Clark, lui, qui revient de Granby. Et puis un gars de Québec qui s'appelle Maxime Iskander qui affrontait Éric Lévesque, qui est un autre gars de Québec mais qui s'entraîne avec l'équipe de Yann Bergeron à Drummondville. Eh bien, c'est Maxime Iskander qui est allé chercher la victoire par décision partagée. Et Maxime Iskander qui s'entraîne à Québec avec le clan de Ali Zaraki, c'est une école, les cours se donnent dans l'école de l'Académie d'arts martiaux de Frédéric Mitivy ici à Québec. Et Ali Zaraki qui est un Morbihan ou en tout cas dans ce coin-là, là, qui est arrivé à Québec il y a quelques années, mais c'est combattants debout là, qui offrent beaucoup, beaucoup de performances assez intéressantes et tellement que je pense que l'équipe de Team Bergeron et de Yannick Bergeron vont avoir des adversaires là, dans les prochaines années, là, pas piquer des verres, et ça va nous donner lieu à des combats excitants en kickboxing, et puis peut-être éventuellement que les gars, ces gars-là qui s'entraînent avec Ali Zeraki vont étendre un peu leur talent ailleurs que debout au sol, parce que bon, à cette école-là également, il y a Davis Dos Santos maintenant qui est là pour travailler le jiu-jitsu brésilien et on va peut-être arriver avec des combattants très intéressants, dont une autre école à Québec qui va pouvoir fournir des combattants intéressants en MMA, déjà qu'on a le Nordic Fight Club. Et il y a également Production MMA Fighter, également à Val-Bélair, qui offre des cours en Jiu-Jitsu brésilien, en Muay Thai, puis en MMA. Alors, tout ça pour dire que vraiment, je pense que le MMA, surtout amateur, est en santé au Québec. Il y a plusieurs écoles qui offrent des cours et ça, c'est intéressant. Puis, je pense même pour vos jeunes enfants là, à la maison, bon, le but, là, moi, j'ai un garçon, puis j'ai pas, je serais pas très heureux de le voir faire des combats parce que c'est un sport de fou, cette affaire-là. Mais quand même, qu'il puisse quand même découvrir une passion, s'entraîner. Aller chercher des habiletés, que ce soit bon au sol, debout, en judo, en lutte, il me semble que c'est intéressant, surtout pour les jeunes hommes. On aime toujours un peu faire compétitionner, puis il me semble que c'est un bon endroit pour faire de l'effort physique. Moi, je vais amener ta discussion même à un autre niveau. Personnellement, avec mon fils, je peux vous dire j'ai un fils de 10 ans qui en est à sa cinquième année de judo et ça aide énormément sur la confiance en soi. Ça aide énormément aussi à rendre quelqu'un humble parce que veut, veut pas, il y a toujours quelqu'un de meilleur que nous. Alors, il n'y a pas un meilleur sport pour rendre quelqu'un humble de. Et tout ça pour dire justement que les arts martiaux, c'est vraiment un très beau sport. Je dis pas à personne d'inscrire votre fils dans un cours de MMA, mais de l'inscrire dans du judo ou peu importe l'art martiaux, c'est excellent. Si vous faites les recherches, il y a plein de psychologues même qui vont vous le confirmer avec des recherches que ça aide beaucoup à la confiance de soi et tout. Alors, n'ayez pas peur, amenez vos enfants dans des gyms d'arts martiaux. Vous allez voir, ils vont apprendre à écouter le prof, puis ça va être vraiment bon pour leur éducation. Oui, puis là, c'est l'entrée des classes, justement. Alors, c'est le temps d'intégrer des enfants, puis qu'ils puissent découvrir des nouvelles passions, puis socialiser en même temps, puis faire du sport, il me semble que c'est tellement important. Puis dans la société actuelle, puis même dans les écoles, je pense que les heures qu'on alloue pour le sport, là, sont plutôt restreintes. Puis des fois, les cours d'éducation physique, là, on fait du sport, mais moi, pas vraiment du sport, là, hein. Des petits cours de danse, on fait du yoga, On invente une maladie qui s'appelle l'hyperactivité. Ouais, c'est ça. Alors faites bouger vos enfants. Je pense que c'est peut-être le plus beau cadeau que vous pouvez leur offrir, les trouver des activités, bon, que ce soit des arts martiaux puis n'importe quel autre sport, mais en même temps aussi profiter, tu sais, vous pouvez regarder, il y en a plusieurs écoles d'arts martiaux. Faites le tour, trouvez la bonne, celle qui va peut-être être bonne pour votre enfant et pour vous. Alors là-dessus, on espère que tout le monde va avoir du plaisir en pratiquant les arts martiaux cet automne dans la belle province de Québec. Puis en France également, je sais qu'en France, là, il y a beaucoup de judo là-bas, le taekwondo, ça marche très bien, les arts martiaux traditionnels. Et à Québec, peut-être qu'on devrait prendre l'exemple de ça. Puis même aux États-Unis, je pense qu'on a intégré le sport beaucoup plus au collège, alors qu'ici, je pense que c'est pas assez présent, malheureusement. Oui, mais tu vois, c'est une discussion intéressante. Je pense que tu es trop jeune toi aussi, parce que moi aussi, je suis trop jeune. Mais selon la génération à mes parents et tout, ils me disent que dans leurs années, ils enseignaient la lutte au secondaire et tout dans les écoles secondaires ici au Québec. Je ne sais pas pourquoi ça a changé à travers les années, mais justement, il y a peut-être 25-30 ans, il y avait plus un modèle américain, si on veut, point de vue ces sports-là. Oui, bah c'est ça, les Américains, la lutte, ils connaissent ça. Mais ici, vous parlez de lutte et on pense tout de suite à la WWF, alors que la lutte olympique, la lutte amateur, c'est complètement différent. C'est pas la même chose, mais au Québec, là, si vous demandez à n'importe qui sur la rue qu'est-ce que c'est que la lutte, mais vous savez très bien qu'à 90% des chances, on va vous parler de Hulk Hogan et MacDuck Vachon. Et ça, en passant, ça montre des mauvaises valeurs aux enfants. Ouais, bah surtout maintenant, là. Ils Ouais, je font me un peu souviens. dur. Ouais, là, c'est un peu hardcore. C'est un peu différent de ce que c'était, je pense, dans les bonnes années de la lutte qu'on a Si on connues. s'éloigne juste 2 secondes, il y a longtemps, j'ai été un amateur de lutte WWE. J'écoutais ça. Et j'étais justement au Centre Bell. Et c'était dans le temps de The Rock. Et en sortant de là, j'ai vu des enfants de 10-12 ans imiter The Rock. Puis j'en revenais pas. J'étais gêné. Et justement, ça revient à dire, ça montre pas le meilleur exemple. Tandis que les arts martiaux, ça montre à quelqu'un d'être quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de humble et pas agir de même. Yes! Bon, finalement, peut-être encore une autre petite nouvelle locale. Il y a un séminaire d'arts martiaux qui sera donné au Nordic Fight Club le 26 septembre par Wanye Fabiano. Je vais le mentionner parce que Wanye Fabiano, quand même, c'est pas n'importe qui. Le combat dans l'organisation WEC, je pense qu'il n'y a seulement qu'une défaite à son actif. Au sol, c'est un magicien. On le connaît un peu au Québec parce qu'il a fait des combats au Québec. Et puis là, il est là, affilié au Nordic Fight Club pour donner un séminaire le 26 septembre prochain. Alors pour ceux qui ça pourrait intéresser, ben je vous invite peut-être à voir comment ça va se dérouler avec le Nordic Fight Club. C'est dans la région de Québec. Alors ce sera pas difficile à trouver sur Internet, là. Je pense que ça doit être nordicfightclub.com, j'imagine, en tous les cas. Alors, c'est pas mal ça pour ça. Et aussi, peut-être pour les amateurs en France, je veux juste mentionner, Check Congo a fait l'ouverture d'un nouveau gym à Coulombes. À Coulombes, Colombes, excusez. Je suis pas du pays, alors j'ai un peu de misère. Mais Check Congo m'a déjà donné 2 entrevues par email dans le passé. Et, ça a été, c'est un des plus grands combattants qui m'a offert beaucoup de temps. Et je l'apprécie beaucoup. Alors, je mentionne son nouveau gym qui est ouvert depuis samedi dernier à Colombes, en France. C'est au 88 rue Saint-Denis. Check Congo, là, quand on parle d'un combattant qui a du cœur, là, lui, il est incroyable. Il a mangé une véritable raclée face à Cain Velasquez, mais écoute, n'importe quel être humain là, aurait tapé bien avant ça, aurait fait un coup à la Forrest Griffin, se serait sauvé en courant. Check Congo, il a encaissé durant les 3 rondes, puis même qu'il a réussi à avoir quelques moments là où on a pensé, ben, Crime Congo va aller chercher la victoire in extremis. Bon, malheureusement pour lui, ça s'est pas avéré, mais il a encaissé tout le long et pour ça là, moi j'ai beaucoup de respect pour Check Congo, puis j'ai hâte de le voir face à Frank Mir, où là il aura eu la chance d'avoir une préparation parfaite parce qu'il faut dire face à Cain Velasquez, il a pris le combat quand même à la toute dernière minute et c'était pas facile parce que Velasquez quand même c'est un excellent lutteur et puis c'est ça qui a joué. Congo n'a pas pu nécessairement peaufiner un plan de match parfait pour Cain Velasquez. Oui, exactement. Frank Mir a pas les takedowns d'un Cain Velasquez. Alors, si Congo peut rester debout, je peux le voir sortir gagnant, que ce soit par KO ou par décision. Si le combat reste debout, Congo, je le vois sortir gagnant. Oui, effectivement. Par contre, au sol, si Velasquez a réussi à aller chercher le combat grâce à son ground and pound, à le punir là, à un grand coup de poing au sol, mais là, Mir peut être dangereux parce qu'au sol, là, Oui, je il suis peut sortir d'accord, une mais finition magique. c'est ça, il va falloir que Congo garde ses distances, j'espère. J'espère qu'il va prendre un plan de match plus. Si on se rappelle contre Cain Velasquez, une couple de fois, comme tu as dit, il l'a sonné puis il paraissait bien, mais Ouais, malheureusement, tout il de aurait suite. dû bouger autour, hein. Oui, ça s'est retrouvé en clinch tout de suite, puis Velasquez, il a réussi à l'amener à terre à chaque fois. Puis là, une fois qu'il était à terre, Velasquez, c'est vraiment un excellent lutteur, là. C'est un très bon lutteur. Et il a contrôlé le combat tout au long, puis il a fait son ground and pound. Oh, alors le 3 octobre prochain aussi au Scratch de Laval, il y a le Fight Quest qui organise un gala amateur. On vous invite peut-être à y aller. Ce sera le 9e et ça c'est organisé par Stéphane Vigneault au Scratch de Laval. Le 3 octobre prochain, il y aura Guillaume Vigneault, un ancien du Nordic Fight Club qui va être là maintenant qu'il s'entraîne au Tristar avec Firas Zabi. Il va être là pour affronter Pascal Gosselin qui s'entraîne chez Force Extrême. Alors, je pense que Fight Quest, c'est peut-être la meilleure organisation amateur avec Ring Extreme. Là, c'est pas mal de l'élite où les événements d'habitude sont hyper intéressants. Alors, manquez pas ça. Les amateurs de combat amateur, d'habitude, c'est très intéressant. Puis, c'est les jeunes vedettes qui vous allez voir plus tard là pour Ringside ou la MFL. Peut-être pas, peut-être même au UFC plus tard. Je vous parle de la MFL depuis tantôt. Tout ça pour dire que leur premier événement, parce que c'est une toute nouvelle organisation dirigée par Dirk Vandenberghe, un ancien combattant. Je pense qu'il est belge ou suisse d'origine belge, je dirais. Mais je peux me tromper. Ce sera le 17 octobre prochain au centre Claude Robillard, leur premier événement. Et Thierry Canville devrait être là encore une fois. Donc, il y a un événement ringside pour Canville et en octobre, un autre événement, mais cette fois-ci pour la MFL. Guillaume Delorenzi devrait être là pour disputer la victoire face à Sébastien Garguier, qui s'entraîne à Las Vegas, mais qui est un Français. Alors, Delorenzi et Canville, très occupés prochainement et on va suivre ça. La MFL, ça me surprend, j'ai vu ça, cette carte-là, c'est une toute nouvelle organisation, mais qui a des noms intéressants là-dessus. Derek Gauthier, à 170 livres, qui est un combattant hyper prometteur au Québec. Stéphane Chrétien, je pense que c'est un gars de judo, va être là pour affronter Kevin Morin. Et le retour de Yannick Galipeau face à Patrick Tessier. J'ai hâte de voir ça. Moi, Yannick Galipeau, on l'avait peut-être surestimé au début. Je me souviens, certains prétendaient, oh, on a peut-être un nouveau Georges Saint-Pierre, parce qu'il faut dire que Yannick Galipeau, c'est un champion de karaté Kyokushin, un peu comme l'a déjà été Georges Saint-Pierre. Galipeau a eu du succès, mais bon, après ça, il a eu un peu plus de difficultés. Puis bon, au sol, il était peut-être pas au niveau. Mais là, bon, j'imagine qu'il a travaillé là-dessus pour ce retour-là. Il va être opposé à Patrick Tessier, qui est un boxeur et il a fait, je pense, des combats dans le kickboxing, mais en MMA, ce sera son tout premier. Puis bon, au sol, on peut soupçonner quelques faiblesses, mais on va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire face à Yannick Galipeau. C'est pas mal ça. Il y a peut-être autre chose que tu veux nous mentionner, mon bon ami Fred Garcia, Oui, Fred mais on Lomtel. rappelait une dernière fois aux amateurs de nous envoyer tous les commentaires qui ont des demandes, des commentaires positifs, négatifs. On veut savoir votre opinion et on va créer une adresse email pour tout de suite qui s'appelle radio à mmanouvelle.com. Alors, radio, RADIO, A commercial, mmanouvelle.com. Et envoyez-nous tout ça, ce que vous pensez et ce que vous aimeriez entendre. Oui, on cherche un nom. Pour l'instant, on est une émission sans nom. Alors, ça fait un peu provigo tout ça. Alors, donnez-nous un nom. Nous, on a en tête peut-être la voix des guerriers. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? On veut savoir vos impressions. Finalement, il y a peut-être autre chose que tu aimerais nous parler. C'est Ricardo Mayorga. Est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? On peut attendre à la prochaine émission. C'est comme tu veux, Fred. Ah, bon, faut bien le mentionner. C'est l'ancien boxeur Ricardo Mayorga, champion. Là, j'ai pas les chiffres devant moi, mais il a été champion 2 fois, il me semble, dans la WBC et une fois dans la W. WBA, C'est ça, quelque chose de même. 3 lettres de l'alphabet. ouais. Mais il va venir dans le MMA pour la promotion Shine Sports qui est basée en Ohio. Ricardo Mayorga, c'est sûrement le boxeur le plus accompli qui va faire un essai dans le MMA. D'après moi, je n'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, là. Quand j'ai écrit la nouvelle sur mon site, c'est ce que j'ai écrit parce que je n'ai pas eu d'autres qui me sont venus en tête de plus grand renom que lui, là. Ouais, ben je parle mieux, il y a eu Ray Mercer qui a fait un combat face à Tim Sylvia, mais Ray Mercer, ouais, il doit approcher les 300 ans, là. Mayorga, il est un peu vieux, mais il a seulement que 35 ans, c'est toujours bien un peu plus jeune que Ray Mercer. Il a une belle fiche en boxe, Mayorga, 28 victoires, 7 défaites seulement. Puis 22 victoires, parmi ces 28 victoires, il y en a 22 grâce à des KO. Alors, c'est un gars avec du talent, mais là, peut-être qu'il va découvrir que le MMA, c'est complètement différent. On espère pour lui qu'il va s'entraîner en conséquence, qu'il va pouvoir peaufiner son style. Il y a Asim Rahman également. Je me souviens, je pense, en début d'année 2009, avait mentionné à DreamFighter.com qu'il aimerait peut-être embrasser une carrière en MMA. Mais là, il n'y a pas eu de dénouement là, suite à ça. Je ne sais pas Ouais. ce qui va advenir de ça. C'est un ancien champion poids lourd. Il avait causé toute une surprise, lui, en mettant KO les Knights Lewis, ancien Canadien, qui, à un moment donné, après les Olympiques, il a vu que l'argent pouvait peut-être sortir de partout. Il est devenu anglais tout à coup. Et bon, Lewis avait repris sa revanche après ça. Mais Rahman est un autre, peut-être, qui éventuellement qui pourrait venir en MMA. Moi, je pense surtout, ce qui est bon pour ça, c'est que ça va amener les ESPN et les gros réseaux à regarder de plus en plus que des boxeurs viennent. Je crois pas que ce soit Mayorga, Rockman, Mercer. Ils n'auront aucun impact dans le MMA parce que c'est un sport complètement différent. Mais je suis content parce que ça va amener les mainstream médias qui appellent aux États-Unis, qui s'en viennent de plus en plus, mais ils sont pas encore tous là. Alors, avoir des boxeurs de renom, ça va en amener de plus en plus, puis ça va juste aider à grandir le sport. Oui, parce que Mayorga, quand il s'est pas piqué des verres, là, il est allé chercher des victoires face à Fernando Vargas, entre autres. A subi la défaite, mais contre des gros noms habituellement, Félix Trinidad, Oscar De La Hoya, Shane Mosley. Je suis pas un expert en boxe, mais ces noms-là, on les connaît. Puis il a même vaincu à deux reprises Vernon Forrest, là, qui a été assassiné dernièrement. Alors, Mayorga, c'est pas n'importe qui, mais il a 35 ans. Il vient du Nicaragua et c'est le seul gars du Nicaragua que je connaisse depuis Denis Martinez. Alors, je voulais le mentionner. El Presidente. Oui, oh, quel lanceur. Ça me rappelle des bons souvenirs, mais malheureusement, nos enfants pourront pas vivre ces souvenirs-là, Fred. Lui et Pedro, là, c'est mes deux préférés en grandissant. Ouais, je veux terminer en tout cas, avant de finir, là, j'aimerais ça mentionner qu'il y a eu quelques résultats, mais assez rapidement, là, je vais pas vous ennuyer avec ça. Il y avait un événement le 12 septembre passé au Brésil, BTT Combat, que je connais pas vraiment l'organisation. Mais là, je vous en parle parce que Ricardo Arona a fait un retour, lui qui s'était absenté depuis 2007, suite à une défaite face à Sokoju, là, où Sokoju avait connu des débuts fulgurants pour le Pride. Bon, UFC, ça s'est éterni un peu, son truc, mais Arona, quand même, avait goûté à la médecine Sokoju. Mais là, Arona est de retour. Je sais pas si c'est pour de bon. Il est allé chercher une victoire par décision unanime face à Marvin Eastman, qui est un gars, un vétéran, correct, quand même. Paulo Filho, tant qu'à lui, 18 victoires. Il a une seule défaite, mais sa seule défaite, il l'avait subie face à deux adversaires parce que Paulo Filho affrontait Chael Sonnen cette soirée-là, puis il y avait des petits troubles mentaux. Il parlait à un autre gars également sur un ami invisible, là, je sais pas trop. Il y avait des problèmes à cette époque-là, je pense, dépression, puis peut-être quelques problèmes un peu plus majeurs, mais là, sous médication, ça va bien, son affaire. Et il a remporté une victoire face à Alex Schonauer, qu'on a vu également dans The Ultimate Fighter, là, je pense la première ou la deuxième saison. Pedro Rizzo, et ça m'a surpris quand même. Rizzo a réussi à vaincre Jeff Monson, et c'est pour la deuxième fois en carrière, parce qu'il l'avait déjà battu précédemment. Et Rizzo, qui revient après deux défaites, il avait subi un KO contre Josh Barnett, et un autre KO face à Gilbert Ivel, c'est mieux comme ça. Et bravo pour Pedro Rizzo, un bon vieux Brésilien qui fait toujours le job. J'aimerais bien voir un affrontement de Pedro Rizzo face à Paul Buentello. Un petit fantasme ici, là. Murilo Ninja Rua, tant qu'à lui, frère de Mauricio Rua, mais a réussi à vaincre Alec Stibling, qui a déjà eu, je me souviens, c'était déjà frotté à Anderson Silva pour l'organisation Pride, et Anderson Silva lui avait botté la face, et Stibling avait été ouvert au grand complet, mais avait réussi à rester debout, mais l'arbitre avait raté le combat, puis ça saignait de partout, cette affaire-là. Alors, Ninja Roy a remporté une victoire face à Alex Stibling. Alors, un autre beau retour pour Ninja Roy, qui a connu quelques bas là, dans ces dernières années dans les organisations majeures américaines, à tous les cas. Je pense qu'au Japon, on a toujours eu un peu plus de succès. Et puis là, au Brésil, ben, ça semble avoir s'être bien déroulé pour lui. Et puis, tant mieux. Oui, tant mieux, parce que ça montre aussi comment que le sport grossit de plus en plus partout. Au Brésil, ça a toujours été gros. Mais maintenant, avec Biteri, ou je ne suis pas sûr comment qu'on prononce, on dirait qu'ils ont une nouvelle... c'est leur cinquième gala, je pense, c'était. Ou... Je suis pas sûr, mais Le quatrième. quatrième, c'est ça. Mais on dirait qu'ils offrent des bons spectacles. C'est des noms connus. Alors, c'est excellent. Moi, j'aime ça. Je suis nostalgique. J'aime ça voir les vieux avoir une seconde chance. Alors, tant que médicalement un docteur va les laisser se battre, je suis pour. Puis je vais les regarder. Oui, puis il faut dire là que Nogueira à 205 livres était supposé être de la carte, mais là bon, a eu la chance d'aller combattre pour la UFC, alors bye bye. Puis Vitor Belfort aussi au tout départ était supposé être sur la carte et pour affronter Jorge Santiago à mon souvenir, mais lui aussi a eu la chance d'aller chez le UFC puis probablement aller chercher un peu plus d'argent. Alors lui aussi bye bye, mais quand même on a réussi à garder Ricardo Arona, Marvin Eastman, Paulo Filho, Jeff Monson, Pedro Rizzo, Murilo Roy. C'est des noms quand même qu'on connaît bien ici en France, surtout en Europe, on le connaît bien parce que la plupart d'entre eux ont surtout performé pour le Pride, mais pour les vrais amateurs de MMA québécois, je pense, on les connaît également. Oui, exactement. Alors, ça, c'est le fun de les revoir. Dernier résultat que j'ai à vous livrer, le Shark Fight, sixième événement de ce nom, le 12 septembre également. C'était au Texas. Dave Pee-wee Herman affrontait Don Fry, bon vieux vétéran qui doit être âgé de plusieurs années. Don Fry qui a subi la défaite face à Dave Herman, qui est un bon combattant, qui a maintenant une fiche de 15 victoires et une défaite seulement. Cette défaite-là, il avait subi aux mains de Mu Boy Choi, un Coréen, je pense. C'était au Sengoku en 2009. Mais sinon, que des victoires pour Dave Pee-wee Herman. C'est tout pour les résultats qu'on vous a à livrer. Je pense que c'est même tout au complet, là. Je pense qu'on a pas mal tout dit. Fred, est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça va être tout pour cette semaine. Je pense qu'on va se revoir dimanche prochain avec les amateurs, puis on va avoir les résultats de l'UFC 103 et du UFC Fight Night. Alors, on a hâte à dimanche prochain. Oui, soyez-y, mesdames et messieurs. On aura ces résultats-là, puis on aura peut-être quelques cartes à vous présenter parce que l'action en MMA, ça continue de partout. Il y aura le Sengoku qui a lieu le 23 septembre. Donc, la semaine prochaine, on va probablement vous parler de ça. C'est un événement qui a lieu au Japon. Je sais que s'il y a des amateurs là, européens, ben, vous suivez avec beaucoup plus d'assiduité que les Américains ce qui se passe au Japon. Mais moi aussi, j'aime bien un peu les combattants japonais. Alors, on va vous en parler. Il y aura le Strike Force Challenger. Rien de trop gros, mais on va vous en parler. J'ai vu Ray Seifo, justement, Ray Seifo. Tout à l'heure, dans le UFC Countdown, Ray Seifo, qui est un combattant en K1 principalement, qui a eu beaucoup de succès au Japon en K1, donc en pied et poing, qui a livré des bagarres tout le temps acharnées, qui là, qui maintenant est rendu, qui s'entraîne avec Extrême Couture, qui, je pense, va être de cette carte-là du Strike Force Challenger. On vous en parle plus la semaine prochaine. Art of War, le quatrième événement, organisation chinoise, des combattants que vous ne connaissez probablement pas. On va probablement pas faire le tour de la carte, mais on va vous en parler un peu parce que la dernière ou l'avant-dernière événement qu'ils avaient préparé en Chine, on avait fait ça très très gros. Puis moi, j'ai envie de suivre ce qui va se passer en Chine parce qu'évidemment, des Chinois, là, il y en a un puis un autre, là, ça n'arrête pas. Un milliard et plus, à un moment donné, ils vont bien être capables de faire deux, trois combattants qui ont de l'allure, surtout qui font du kung-fu depuis que la Terre existe. Alors, à un moment donné, il va y avoir des bons combattants chinois, et puis nous, on va essayer de suivre ça depuis le départ, puis avoir le meilleur, vous donner la nouvelle sur les combattants chinois avant tout le monde. Alors, c'est un rendez-vous qu'on vous offre pour la semaine prochaine dans l'émission Sans nom qui se cherche désespérément un nom. Peut-être que vous allez nous aider. D'ici là, passez une agréable semaine. Et Frédéric Garça, l'homme nouvelle, je te dis à la semaine prochaine. Merci, Ken. Salut.